te remercie. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Merci, Père, pour ce que tu fais dans notre cœur. Merci, Père, pour le dépouillement, mon Père et ton Père. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père et ton Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens nous asseoir, Frère bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Presso, il y a notre garçon qui a dit ici que tu t'es accrébé, tu as l'hymne et tu jouais la vie. Tout l'assemblée, c'est devant l'assemblée, il a dit ça. J'ai dit que, ah, le voilà. Tu avais dit que papa était au haut. Et il jouait la vie, non? Hein? Il faisait quoi? Voilà. Donc après le travail, tu joues un peu de vie à l'hymne, quoi. Mais c'est un endroit de détente, pas vrai? Pas toujours travail, travail, il faut jouer la vie. Mais souvenez-vous que personne ne peut jouer la vie, vous pouvez vous en sortir. C'est la vie qui nous joue. C'est toujours la vie qui nous joue. Quoi que c'est un peu obscur là. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a l'atmosphère est bonne pour qu'on puisse bien travailler. Vous savez ce que papa Tania a fait aujourd'hui? Il a dit que chaque jour il vient s'asseoir, il s'assoit là-bas. Vous avez, comme on a pris sa place maintenant, il s'est assis là. Il vérifie d'abord pour voir si chacun a sa place. Voilà, la sœur Marcel, elle est habituée déjà ici deux, trois fois. Maman Véro, allons là. En disant plus. Le frère Hervé, voilà sa position. Voilà, celui-là, voilà sa position. Vous voyez comment tout le monde a posé. Même celui-ci, sa position. Celle-ci aussi, voilà sa position. Celle-ci, voilà sa chaise. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'attends les questions, c'est des questions. C'est obscur là, c'est pas. Donc rendez-vous le premier, non? Rendez-vous le premier. S'il vous plaît, quand vous prenez les informations pour de nos gens, restituez les informations comme il se doit. Il y a des gens, je suis en train de travailler à la maison, les gens m'appellent Frère Junior. Pour le premier, les femmes font comment et les autres comment. Les gens sortent ici, au lieu d'aller restituer les choses telles qu'on a dit. C'est pas arrêté là. Vous savez, comme il n'est pas encore 18h, il y a des gens qui s'arrangent à venir après 18h. Ils s'arrangent là-bas, d'autres achètent leurs bananes. Avec les beignets, ils s'arrangent quelque part au parking là-bas, ça sert. Ils mangent d'abord bien, ils boivent le moment avant de venir. Parce qu'on ne sait jamais le Frère Junior là. On va manger là-bas vers 21h. Vous remarquez que quand on est à jeûne, lorsque 18h traverse ici, vous ne sentez plus la famille, n'est-ce pas? Parce que quand on est dans l'enseignement, le but de l'enseignement c'est de nettoyer. C'est de nettoyer. Nettoyer. Ouais, celle-ci est venue, remarquez très attentivement ce qu'il est en train de dire. Elle a traversé toutes les chaises des soeurs, là-bas. Elle allait s'asseoir derrière Madame Véro. Pourquoi? 3 semaines, elle s'assoit toujours là-bas. C'est l'effet, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. La sœur grande n'en est pas acceptée. Vous voyez là où on se trouve, non? Voilà sa place. Elle cherche là où il y a l'air parce que ouf. Que dans votre église ça chauffe. Des questions? Si vous avez des questions, posez. Si vous n'avez pas, on prend des thèmes dans la Bible là, selon que le Seigneur va nous disposer. C'est pas que. On a fini avec la mission difficile. On a fini. On a fait deux parties d'émission impossible, c'est mission difficile. Dangereuse, oui. Oui, mon cher. Ouais, je voulais poser la question de savoir. Lorsque... Donc, comme tu es comme ça, tu ne voulais pas parler, tu encore veux poser ou bien tu en es de poser. Ouais, je veux poser la question. Pose alors, frère. Bon, la question c'est. Attends. Vous savez, il y a des gens qui vont devant le Seigneur. Même quand vous priez, quelqu'un ouvre la bouche, on dit que frère prie. Il dit, Seigneur, nous voulons te bénir pour ce repas. Il dit, nous voulons te bénir. Donc, au sortir de là, il va finir, ils vont manger sans bénir. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Car on est censé faire quoi là? Rendre grâce. Il faut rendre. Nous voulons. C'est un peu comme vous dites, j'avais ton argent, je voulais te donner ton argent. Tu as ton argent, son argent est là, donne-lui. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Dans ce langage-là, il faut vérifier cela. Vous ne pouvez pas être devant quelqu'un que je voulais te saluer. Quand vous voyez quelqu'un, vous voulez saluer, vous dites quoi? Bonjour. Que bonjour, je te salue. Pas que je voulais te saluer. Mais qu'est-ce qui empêche donc que tu le salues, salue-le. Donc, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons. Parce que c'est la circonstance qui est là. Vas-y, pose la question, frère. Bon, la question, c'est lorsqu'on dit dans les psaumes que la parole, le nom de l'Éternel est une tour forte. Non, dans le Proverbe. Celui qui s'y trouve se trouve en sûreté. Celui qui s'y réfugie se trouve en sûreté. Oui. Je voulais savoir à quoi est-ce que ça fait. C'est la protection qu'offre le nom du Seigneur. Et on va en parler maintenant, d'accord? Donc, c'est un grand sujet qu'il faut qu'on en parle. Donc, voyons le thème. La main puissante de Dieu pour nous protéger. Merci pour ce sujet, d'accord. On va voir cela. C'est ça qu'on va, on va développer tout au long de cette soirée-ci. On va voir ce que ça va aller. On y va. Quel autre? J'ai dit quoi, frère? La main puissante de Dieu pour nous protéger. La main puissante de Dieu pour nous protéger. Ou bien sous la protection du Très-Haut. Amen. Ou bien comment le Très-Haut veille sur nous. D'accord? Amen. Ou bien sous la protection du Très-Haut. Ou bien comment le Très-Haut veille sur nous. Quand on contemple ces choses-là dans la Bible, quand on contemple ces choses dans la Bible, on arrive à faire confiance à Dieu. Et lorsque ces choses, ces genres de choses sont expliquées et que vous voyez que ces choses sont passées avec vous, vous comprenez effectivement que quelqu'un veille sur vous sans que vous ne soyez au courant, que quelqu'un livre le combat. Notez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Là alors, c'est plein, parce que vous savez, c'est ici, ça révèle la puissance de Dieu. Donc dans toute la Bible, ça se trouve, c'est le Dieu tout puissant ici. Romains chapitre 8, verset 30 à 35, mais de 29 à 35. Actes des apôtres, alors n'en parlons pas. Donc, mais notez Actes des apôtres, au besoin, on va y aller partout. Donc, il veut qu'on place les bases et puis on prend d'abord des questions. Oui, mon ami qui pose souvent les questions là, qui ne comprend pas ce qu'il dit là. Ils sont encore venus. Ok. Si vous avez des questions, posez. Parce que si il faut épuiser les questions pour qu'on en assez de. Oui, mon cher. Oui, j'ai une question dans 1 Pierre 1, verset 12. Mm-hmm. Il est dit là-bas, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est la suite de ta question de la dernière fois, non? C'est la dernière fois que tu as posé la question concernant le fait que les gens ont fait des recherches. Allez, c'est là que c'est dispensateur. Vous avez parlé de dispensateur et dispensation, que c'est deux mots. C'est la suite. Dans le sens de annonciateur. Oui. Okay. Oui, ça c'est la suite. Oui. Et dans lesquels les gens désirent plonger leur regard. Ça, oui. Verset 12. Puisque verset 11, on parlait des souffrances de Christ. Oui. Bon, c'est parce que dans lesquels, si c'est mis pour les souffrances, oui. C'est comment est-ce que les gens désirent plonger leur regard dans les souffrances de Christ. Parce que je n'arrive pas à. Alors, je ne sais pas d'abord de quels anges il s'agit. Des fois, on a parlé aux anges dans 1 Corinthiens 6, mais c'était les, ça parlait des messagers. Après, des messagers. Bon, maintenant, si les messagers prêchent la parole, comment les messagers encore disaient plonger les regards? Donc, il s'agit des anges, les vrais anges, les vrais, vrais, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, quand tu lis là, ça, un, ce sont les 16 anges ici, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ouvre le livre de Éphésiens. Chapitre 3. Hier. Oui. Allons, on lit verset 10. Afin que les dominations. Pas les dénominations, laisse-les tranquilles. Allons-y. Afin que les dominations. Oui. Les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au travers de l'Église est mise en exergue les mystères cachés du Seigneur. Rendons au chapitre 1 déjà, d'abord, au chapitre 1 de ce même livre d'Éphésiens. 3. Non, et chapitre 1 d'Éphésiens. Lis à partir du verset 1, non, verset 10 toujours. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Maintenant, rentrons à partir du verset 7 en descendant. Allons-y. Suivez attentivement. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rédemption des péchés, oui. Selon la richesse de sa grâce, oui. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Stop. Regarde, il dit ici, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc, derrière la volonté de Dieu, il y avait un but pour lequel Dieu a créé toutes choses. Lorsque vous voyez par exemple le mariage, quand il crée sur la terre le mariage. Pourquoi au ciel il n'y a pas le mariage? Parce que les prophéties c'est sur la terre. Pour annoncer quelque chose de futur. Là-bas, ils savent tout. Ils n'ont plus besoin de toutes ces choses-ci. Ils parlent des anges comme ils disent. Oui. Ou pas les anges. Oui. Okay. Alors ils savent tout de ce qu'il a besoin sur la terre. nous, sur la terre, nous venons pour la... Au ciel, il n'y a pas besoin d'apprentissage. Lorsque Dieu, lorsque vous regardez quelqu'un au ciel, vous comprenez ce qu'il a de vous dire. Lorsque vous pensez au ciel, la chose apparaît. Vous comprenez cela. C'est-à-dire que si vous dites, vous posez la question dans votre être, c'est ça l'homme intérieur là. Parce que c'est pour ça que les gens qui ont l'enlèvement, ça les crée des problèmes. Parce que lorsque vous rentrez dans votre corps, il y a le problème de l'intellect qui crée le problème avec cette tête là. Parce que là-bas, on ne pense pas avec l'intelligence là-bas. Vous voyez, vous dites, le trône du Père, vous y trouvez. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ok, ces choses-là, comme nous avons enveloppé la chair et que cette chair-ci est déchue, ça nous empêche d'entrer là-bas parce qu'avec le sang, on ne peut pas entrer. Mais ce n'est pas esprit qu'on peut y pénétrer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu avait caché certaines choses que les anges ne connaissent pas. Et c'est quand ça a été déclaré sur la terre par le Saint-Esprit que eux ils ont découvert. Donc, Satan empêchant certaines unions, certaines choses en déclenchant la vision de la fille, alors c'est peut-être au niveau de lui. Si ça veut par exemple qu'en venant quelque chose, si toi-même tu sais que tu vas mettre en mettant le gaz là, tu te sens brûler, toi-même tu vas mettre. Ils ne connaissent pas. Le vrai problème maintenant, c'est que il doit faire cela parce que c'est sa volonté à lui. Puisque la Bible déclare qu'il était plus sage, mais écoutez bien, il est plus sage que Daniel. Maintenant, avec sa sagesse, il s'est corrompu. Il croit qu'avec sa sagesse, c'est ça qui fait de lui. C'est pour ça que vous voyez tous les anges qu'ils ont trouvés. C'est ici qu'on parlait de... Non, ça c'est en Côte d'Ivoire là maintenant. Les plantes. Bon, je vais parler quelque chose maintenant. Bon, ok, je suis obligé de mettre d'une certaine façon, d'accord? Les plantes que vous voyez, je crois que c'est ici qu'on en a parlé. Ou c'est ici, j'ai parlé des pouvoirs, en fait les plantes n'ont pas de pouvoir. C'était ici où nous traitions cela. Voilà, vous vous dites par exemple qu'il y a quelqu'un, dites, ok, prends le goyavier, les feuilles du goyavier, vous préparez, vous mettez, vous devez vous poser la question, cette connaissance-là vient de qui? Vous devez vous poser la question. Puisque les gens dans le village, si tu veux dormir, mademoiselle, va là-bas, comme ça, parce que les gens vont passer ici, merci beaucoup. Si vous interrogez les anciens du village, les notables, ils ont des secrets des plantes. Il y a des gens qui ont des plantes qui si, ils frottent sur vous. Il y a des villes. Pendant que j'en ai parlé, ça se met dans le village de celui-ci aussi. Il y a des villages, comme dans ton village, par exemple, Passo, des zones où vous ne pouvez pas traverser. N'est-ce pas? Que si vous traversez dans cette zone-là, vous vous égarez. C'est-à-dire que vous voici. Voilà la forêt, on dit n'entre pas là. Dès que tu mets le pied, tu dis j'entre. À cet instant, tu ne peux plus sortir. Mais pourtant, tu vois bien, les gens peuvent être là. Il faut que les initiés viennent t'enlever de là-bas. Quand vous, les femmes, vous marchez, vous pissez partout. Vous voyez n'importe quoi pisser, vous allez voir. Vous allez dans des forêts, vous faites de telles choses. Dans des forêts, vous voyez les forêts sacrées. Vous dites, non, je suis enfant de Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Va prendre, rentre là-bas. C'est tout ce qui appartient à Dieu. C'est le Seigneur qui les a chassés, il les a donné ces endroits-là. C'est le même Seigneur qui les a donnés. Vous voulez qu'ils partent où? Maintenant, quand vous voyez, j'arrive avec la question, parce qu'on va parler de cette protection, c'est en touchant cela, on va toucher la protection. Maintenant, les anges ont été expulsés, n'est-ce pas? Savez-vous que sur la terre, en réalité, les êtres invisibles sont plus nombreux que les êtres humains sur la terre? Il dit, mais sur la terre, comme vous voyez là, quand vous marchez comme ça là, que ce soit en plein jour ou bien la nuit, les êtres que nous contemplons, que nous rencontrons, nous traversons chaque jour, pendant que vous marchez comme ça, au marché, vous qui vendez au marché, ah mon Dieu, je vais dire des choses... C'est pas le moment. Lorsque vous marchez en route, les gens que vous traversez, vous voyez la route, quand vous faites la cartographie de la route, de la ville comme ça là. Quand vous placez votre cadre, que je suis ministre de l'urbanisme, il y a le ministre de l'urbanisme spirituel. Quand vous faites vos plans de votre ville, ils ont le plan de leur ville. Vous voyez, vous avez des constructions, comme dans la, vous savez, à Olembe, dans la zone de Yaoundé. Il y a des constructions qu'on faisait. Ce sont des gens qui font dans les constructions, ceux qui font dans la jeunesse, qui peuvent vous dire ces choses-là. Ils arrivent quelque part, il faut casser. Vous voyez, il y a des. Quand le caterpillar va terrasser le terrain, on arrive quelque part, il y a des gros cailloux sur la terre. Vous ne pouvez pas casser ces cailloux-là. Ils cassent avec tous les tracteurs qu'ils ont là. Le matin, ils reviennent, le caillou est constitué de la même façon. Jusqu'à ce qu'ils appellent un magicien italien. Le magicien italien, quand il est venu sur le terrain, quand il a vu le caillou, il savait qu'il a fait ça. Il allait directement chez lui et dit que je suis venu te confronter. Vous comprenez les choses, ça se passe dans notre pays. Il dit que j'entre dans la bouteille, je sors. Ils entrent, c'est là en plein jour, pas en pleine nuit. Il entre dans la bouteille, il ressort. Il dit qu'il entre, le type entre, il sort, il dit un. Il fait un autre show, il fait. Après, quand le monsieur entre dans la bouteille, pam, il a fermé, il a dit que creuser. On a creusé la route du passé. Ce sont les routes sur lesquelles vous allez venir traverser plus tard. Vous voyez les conséquences, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va parler de cette protection de la main puissante de Dieu. Ce sont les routes sur lesquelles vous allez venir passer tout à l'heure. Maintenant, voici le pont de Vouri. Le pont de Vouri. Vous vous levez un certain matin, vous voyez seulement le pont dressé, n'est-ce pas? Mais on travaille chaque fois, on cache des choses. Mais il y a des choses qu'on fait qu'on ne peut pas vous dire. Qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. On dit, voici quelque chose qui a de se passer. Des gens font des sacrifices pour les divinités des eaux, pour permettre que le pont passe. Des choses terribles que vous ne connaissez pas. Donc vous allez entendre un jour que quelqu'un est venu sur le pont. Il a écrit la lettre que moi je suis dans l'eau. Boum, il plonge dans l'eau. Il va plonger dans l'eau. On habite dans l'eau comme ça, frère. Il y a des incantations pour ouvrir l'eau, pour entrer là-bas. Donc, dans ce monde, s'il se trouve un monde parallèle qui est intégré dans ce même monde. Vous voyez les gens, comme on vous tourne les films, on vous donne les résiduels, comme Matrix, on dit Matrix. On vous tourne des choses, on vous montre. Vous regardez, vous comprenez exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ces choses-là, donc, ce sont les gens qui ont péché, Dieu les a précipités ici. Mais leur vrai quartier général, le plus grand, le plus terrible, se trouve sous les eaux. C'est sous les eaux qu'ils habitent. Parce qu'on ne peut pas voir. C'est Dieu qui a dit. Quand il a séparé la voûte, il a dit qu'il y a une voûte qui cache chez lui, une autre voûte qui cache ce qui est en bas. Ça se trouve là-bas. Je crois qu'on a lu Apocalypse chapitre 20 ici, où il a dit que les morts rendit les morts qui étaient en elle, et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer, toutes les mers que vous voyez là, il y a un autre monde en bas. Encore plus terrible que les nôtres. Même les accidents de circulation se trouvent là-bas, les catastrophes naturelles se trouvent aussi là-bas. Plus réel. Et ce que je t'en ai dit, c'est que bien plus au milieu de nous, en plein sur la terre, se trouvent des êtres qui ne sont pas comme nous, mais qui revêtent des enveloppes que nous sommes. Alors, ils sont au milieu de nous pour certains services. Quand ces choses-là sont passées dans le ciel, quand on les a précipitées, donc, tous sont rentrés avec les puissances et avec les connaissances. La technologie que nous avons ici, ça vient de là. D'accord? Maintenant, Dieu, lui, avait son plan de l'air tous ici. C'est lorsqu'on prêche, lorsque l'Église prêche. Regardez dans ces Éphésiens chapitre 1, verset, on n'a pas fini jusqu'au verset 9. Lorsqu'on arrive à comprendre que c'est l'apôtre pour qu'on l'explique. Il dit que c'est le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté veut quoi? Il y a des choses que... Continuons. Assieds-toi. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Là. Oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Stop. Vous voyez que on dit le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça veut dire que quand il est comme ça, quand vous êtes calme, là, vous avez des projets sur votre cœur. Le projet de votre cœur. Quand vous dites, quand il a créé l'homme et la femme. Quel est le but de créer l'homme et la femme? Vous comprenez le pourquoi aujourd'hui, clairement. C'est au travers de l'Église. La Bible déclare que la vérité, quand la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui révèle ce qu'est la vraie grâce. C'est lui qui révèle ce qu'est la vérité selon Dieu. Pas vrai? Maintenant, continuons la lecture. Pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Stop. Donc, un, il y avait le mystère de sa volonté. Deux, c'était caché en lui-même. Trois, le but de ce mystère, c'est qu'il devait mettre ça à exécution. C'est-à-dire que son plan devait commencer à fonctionner lorsque le temps, selon le temps, les dispensations qu'il avait lui-même choisies. Quand ça va arriver, il va déposer. Il va permettre que quelque chose arrive. Oui. De réunir toutes choses en Christ. Donc voilà le but principalement. Le but, c'est de réunir toutes choses en Christ Jésus. On dit les choses qui sont en haut dans le ciel et celles qui sont en bas sur la terre. Oui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés suivant la raison de celui qui opère toutes choses d'après le conseil. D'après le conseil de sa volonté. Oui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous savez, la sœur ici, elle a d'écouter plutôt ce que tu as lu. Elle écoute, sa Bible est ouverte à elle. Elle est regardée dans sa Bible pour vérifier. Voici Éphésiens bien. Mais elle entend que tu n'as pas déjà d'Éphésiens. Donc, tu n'as pas d'Éphésiens plus bien que ça n'a pas d'Éphésiens. Elle est là, ses oreilles comme ça. J'observe. Elle tend ses oreilles que ça n'a pas d'Éphésiens. Là, elle lit bien. Alors que ça n'a pas d'Éphésiens devant. Donc, Dieu a sa volonté. Il avait une volonté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit le mettre à exécution. L'apôtre Paul dira donc que cette volonté, c'est cette mystère, s'il n'a pas été manifesté aux autres âges, comme maintenant il a été révélé par l'Esprit à ses serviteurs, à ses apôtres. Vous voyez, n'est-ce pas? Que ça veut dire que c'est maintenant. C'est que, sinon, l'apôtre Paul se tient là, il dit que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Voilà par exemple un. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Il dit, Jésus vous dit un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il dit, c'est un mystère. Quand il dit, c'est un mystère, ça se passe, c'était voilé. Effectivement, vous lisez dans la Bible, vous allez voir comment les prophètes se posent des questions. Comment l'homme qui est vivant reviendrait-il? Mais ils avaient des bribes. Ésaïe, au chapitre 26, il dit que entre dans ta maison, entre dans ta ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère soit passée. Il dit que les gens vont revivifier, comme la rosée. Vous voyez, il parle de résurrection. Et Daniel en a eu des bribes. Quand il a reçu, on lui a dit que ce n'est pas pour toi, c'est pour le fin de temps. Au chapitre 12 de Daniel, on lui dit que en ce temps-là, dans ce temps que ces choses arrivera, s'élèvera le chef de ton peuple, Michaël, le défenseur de ton peuple. Ça sera en des temps fâcheux. Mais il dit que ceux qui seront trouvés dans le peuple, de votre ton peuple, ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Les uns ressusciteront pour la mort. Vous voyez, de façon directe, c'est écrit là comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, les gens ne croyaient pas quand Job se pose la question. Si on pouvait au moins mourir et revivre, c'est qu'ils pouvaient contester avec le Seigneur. Vous voyez, les gens se posaient des questions. Mais tous les chrétiens aujourd'hui savent toutes ces choses-là. Parce que les questionnements que les gens se donnent les mots de tête chaque jour, comme ça que les hommes ont, notre on sont même doués, on part où? Tout est connu aujourd'hui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors donc, il dit, il n'a pas été manifesté aux hommes, aux prophètes des autres, des anciens âges, mais comme il a été manifesté maintenant. Ça veut dire que Dieu a dévoilé son plan. C'est écrit dans la Bible. Jusqu'à ce qu'il écrit même comment il va attraper même le diable lui-même là. Il met ça, tout le monde lit. Même dans les empires sataniques, même un satan peut prendre comme ça, dire que le diable fut arrêté. Il lit, se met comme ça. Il lit, quand il lit comme ça, les aimants entendent que, mais on a dit qu'on va t'arrêter. Il dit, ça fait quoi, tais-toi. Et il ne peut rien faire. Donc Dieu dévoile son... Parler de la puissance, de la protection. Donc, quand, si vous êtes ici, vous voulez faire le plan pour tuer quelqu'un, vous allez lui dire, Dieu écrit. Il dit que voici, il sera enchaîné pour 1000 ans. Il n'a pas dit 1000 ans un jour. Et ça ne doit pas accepter, ce sera 1000 ans. Le moment va arriver, il va descendre du ciel, l'attraper et l'enfermer. Il va souffrir pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, on va le relâcher encore. Vous voyez les choses, n'est-ce pas? Il faut te poser la question, pourquoi il le relâche encore? On va le relâcher encore pour un peu de temps pour qu'il part séduire. Donc, il a une deuxième mission. Lui, il va encore sortir là-bas et il voit que quand on va me relâcher, je vais aller séduire. Et on va le relâcher, il va dire, ils sont où? Où sont les séductifs là? Ils vont aller. Après, on va encore toujours l'attraper encore, le mettre dans la GN. Le plan est dévoilé. Quand quelqu'un fait ce genre de plan, c'est parce qu'il est tout puissant. Amen. Il monte ce plan. Il te dit, je viens chez toi tel jour, je vais te faire tel chose. Quand tu vas toquer, tu vas ouvrir. Après, il vient, pom, pom, pom, tu ouvres. Il t'a pas dit, il t'a trop comme il t'avait dit. Je pars. Quel Seigneur nous avons asservi, pas vrai? Alors, dans ce Éphésiens chapitre 3 maintenant, rentrons au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 maintenant. Le verset 10 encore. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Voilà. Maintenant, les dominations, les autorités, ce sont les qui? Ce sont les anges. Ce sont qui les dominations et les autorités? Ce sont les catégories. Vous savez qu'il y a, il y a même des démons qui sont les trônes. Des trônes qui sont des puissances. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le Seigneur est assis sur les chérubins. Vous savez ça? Et ce sont des êtres. Son trône n'est pas un truc mort comme ça. Ce sont des êtres, pas vrai? Donc, il y a des trônes. Colossiens chapitre 2, vous voyez, il en directement, il cherche sa place. Observez bien, observez-le bien. Il part d'abord là-bas, prier. Il va se mettre à genoux, il va prier, il va rentrer. Il va aller là-bas. C'est traditionnel, c'est classique, pas vrai? Vous savez, c'est classique comme quand il y a une élection dans un pays. Celui qui gagne, c'est naturel que le candidat qui est au pouvoir gagne. Du moins, pour ce qui est de l'Afrique. Donc, s'il ne gagne pas, c'est que c'est surprenant. Et puis, c'est naturel que l'opposant oppose. Il dit, nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Donc, c'est classique, on sait. Donc, quand le résultat va là, bam, l'opposant est censé s'opposer au résultat. Celui qui est au pouvoir est censé rester là-bas. Vous parlez des mondes ici. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 10, qu'est-ce que ça dit? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà. Qui? On parle de qui ici? Qu'on a tout pleinement en qui? Il est le chef de qui? De toute domination. Pas de domination, frère. De domination, t'en fais quoi? Dis domination. Domination. Oui, donc il est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, s'il y a n'importe quoi, n'importe quelle catégorie, n'importe, ça c'est le plus terrible des démons. Observez. Vous ai-je pas dit? Qu'est-ce que je vous dis ici? Vous-même, vous avez vu, non? J'ai bien dit, quand il va finir d'aller prier, il va rentrer, passer là-bas, s'asseoir là-bas. Ah, c'est partout, hein? C'est pas seulement ici, c'est normal. C'est partout. Juste parce que quand quelqu'un vient, on a pris sa place. Il ne peut pas seulement te dire, frère, lève-toi sur ma place. Il est seulement dérangé. Donc le Seigneur Jésus est le chef de tout esprit. N'est-ce pas? Celui qui les a créés. Ok. Maintenant, entre le créateur et le créé, qui est-ce qu'on a craint? Le vrai problème, c'est que le créateur ne se montre pas très souvent. Ça fait en sorte que les gens... C'est pour ça que vous voyez la majorité des satanistes qui ne sont pas satanistes parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont été séduits par la puissance satanique. Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Quand ils voient pas la puissance de Dieu, remarquez bien dans votre acte chapitre 8. Vous remarquez que avant que les apôtres ne viennent, vous remarquez que l'évangile n'était pas encore dans les régions païennes. Avant que l'évangile n'entre là-bas, il y avait quelqu'un là-bas, Simon le magicien. On dit qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie qui lui étaient donnés. Mais jusqu'à ce qu'on a fait cette puissance quoi? La grande. N'est-ce pas quand le frère Philippe est venu là-bas, quand il est venu, c'est lui qui était encore dit que yes, on dit que manger, man passe man. Il était derrière partout, pas vrai? Il dit que mince. Parce qu'il savait que pour lui, c'est par conjuration qu'il le faisait. Celui-ci, ça venait, c'est une nature en lui qui se manifestait. C'était différent. Ici, il sait qu'il a les règles et les sacrifices qu'il fait en aparté. Il se prépare, le magicien se prépare. Mais là, celui-ci se met sur la scène et puis des choses commencent à se passer. Il dit que non, l'autre magicien, c'est encore très grave. Et là, lorsque la puissance de Dieu commence à se manifester, les puissances des ténèbres commencent à faire place. Mais tant qu'il n'y a pas la puissance de Dieu se manifestant, les puissances des ténèbres vont s'engranger pour prendre tout ce qui est à leur compagnie. Et ils se manifestent toujours comme ça pour faire tout et tout pour avancer les ténèbres dans les pensées humaines et détourner le cœur des gens dans l'obscurité au point où, vous voyez, là, beaucoup de francs-maçons ne croient pas en Dieu parce qu'ils savent que Satan est Dieu. C'est ce qui est enseigné là-bas. Si vous lisez le livre d'Albert Pike, le témoignage, ne parlons pas de ça, c'est le grand maître franc-maçon. Vous allez suivre ce qu'ils disent des chrétiens et des dieux. Que le dieu de la Bible, c'est que le dieu Yahweh, dont on parle là-bas, c'est Lucifer, que c'est lui qui est le dieu du mal. Et c'est Lucifer, il est notre dieu. Vous comprenez cela? C'est ce qu'il enseigne. Et c'est ce qu'on enseigne aux francs-maçons. Donc, malgré quand il reste là-bas, il dit que non, nous croyons tous à un créateur. Quand il est créateur, sachez que ce n'est pas de même créateur que vous parlez. Donc, si tu dis à un franc-maçon, je suis d'accord avec ce que tu dis, tu en as des services, Satan, ça t'en rend compte. C'est pour cela que vous n'êtes pas outillé avec eux, on ne peut pas parler. Il a dit, nous savons tout ce qui est un créateur. Après qu'elle va entrer dans le développement, tu entends que cette créature, c'est une énergie spirituelle qui régit l'univers. Tu dis, hein? Une énergie spirituelle. Après qu'elle entend, il dit que c'est le grand architecte. Tu dis, ah, dans ce cas, je ne suis pas, c'est même pas le même Dieu. Donc quand il dit créateur au-là-bas, pour eux, c'est Lucifer qui a créé. C'est Yahweh là qui dérange. Un autre sort encore au milieu, il s'appelle les Raéliens. Il dit que non. Quand ils ont rencontré Dieu, Yahweh avait 1m20. Que Yahweh a dit qu'il ne comprend pas sur la terre, que les chrétiens ont foutu les deux autres sur la terre. Ils disent qu'il a un problème avec Lucifer. Il se pose la question, il se trouve avec Lucifer. On a un problème. Lucifer dit non. Il va dire aux chrétiens là qui dérangent. Que c'est nous qui dérangeons sur la terre. Et vous lisez la Bible, vous voyez effectivement qu'il y a des catégories de puissance. Alors dans ce livre de Pierre, lorsque la Bible déclare dont les anges désirent plonger les regards, plus on déclare ici le mystère de Dieu déclaré, plus là-bas il loue la sainteté et la grandeur de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Deux questions. Posez toutes les questions avant qu'on voit ce sujet important. Vous avez noté Romains chapitre 8, verset 29 à 35, n'est-ce pas? Vous avez noté Actes des Apôtres. Notez ce verset dont le frère a posé, là où il a posé la question, dans ces proverbes-là. C'est Proverbe chapitre combien déjà, même là? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est de là où il a posé la question. C'est quel chapitre encore là? Va sur mes regards comme ça, il ne me pose pas la question, n'essaie pas de me pointer. C'est dans quel chapitre des proverbes là, frère? Enfin, vous avez chacun construit son bord pour voir là où il avait souligné un jour. Avant de commencer dans cet enseignement, je pose la question, mais je veux commencer à poser les jalons. Je veux que vous saisissiez ceci. Et vous allez remarquer ceci dans la Bible. Écoutez très attentivement. Lorsque Dieu agit sur la terre, il ne tient pas compte de la puissance des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'ils sont là, parce qu'en réalité, il déplace sa puissance contre eux, justement. Je veux que vous saisissiez d'abord ça. Si vous allez dans la Bible, vous allez rencontrer cela. Regardez très attentivement encore. Lorsque Dieu est d'entrer en contestation pour déplacer sa puissance sur la terre, dans un événement, il ne tient pas compte des puissances étrangères qui se trouvent là-bas. Mais c'est contre elles qu'il est en train de se dresser. C'est pas ce que vous saisissez. Je vais expliquer. Regardez, si vous lisez, notez le livre de 2 Rois, chapitre 7, 6, chapitre 6, 7 et 8. 2 Rois, chapitre 6, 7 et 8. Par rapport à ce que nous parlions, par rapport au plan là maintenant, par rapport au plan de Dieu, regardez, quand vous lisez la Bible, je vous pose la question. À quel moment Satan est le prince de la puissance de l'air? À quel moment? À partir de quel moment? Moi, je vous pose la question donc, avant qu'on avance. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut que vous maîtrisez avant qu'on avance dans ces choses-là. Vous qui avez les enfants dehors, suivez-les. Qu'ils ne se fassent pas mal. À quel moment? À partir de quel moment? Après sa chute. Sa chute, ça dit quel moment? On sait qu'il a chuté, tout le monde sait ça. À quel moment? Ou mieux, la question c'est ceci. La Bible déclare qu'il est le prince de ce monde. Vous savez ceci? Que le monde entier est sous la puissance du malin. J'ai dit à quel moment? Je suis en train de poser la question. Est-ce qu'il a volé la dénomination à Adam et Ève? Quelle dénomination? Lorsqu'il a volé. Donc, quand il a fait chuter dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3, c'est là où il a gagné. Qui d'autre? Qui d'autre, frère? Notez Ézéchiel 28 à 32. Ézéchiel 28. Hey, c'est toi qui j'appelle, c'est pas ton mais d'accord, comment comme ça? Ézéchiel 28 à 32. Vous avez noté? Ok. Voici pourquoi je pose la question. En réalité, Pharaon, par exemple, si on prend le cas, l'exemple des Pharaons qui s'est opposé à Moïse, avec quoi s'opposait-il? Avec la puissance de Satan. Avec? Avec la puissance de Satan. Donc, depuis ce temps-là, il y avait des gens sur la terre qui manifestaient déjà la puissance de Satan. Pas vrai? Ok. Les chamans et tous ceux-là des coins reculés qui essaient de créer les oracles et donnant les oracles par les esprits démoniaques. Ça se trouve, c'est longtemps. Si vous lisez Isaïe, chapitre, enfin, Genèse chapitre 45, vous allez voir comment le Joseph lui-même dit, avec quand il a fait les essais chez Magria pour mettre la coupe dans le sac de son petit frère. Il dit, quand le monsieur est venu pour le voir, il dit que ne sais-tu pas qu'un homme comme moi, comme ça, a le pouvoir de deviner. S'il ne connaissait pas la divination, s'il ne pouvait pas parler ça, regarde, nous sommes en Genèse là. Donc dans la Genèse, depuis la Genèse, il y avait la divination. Pas vrai, frère? Au point où Laban avait son propre Dieu, qui peut courir des kilomètres pour aller défendre son Dieu. Il dit, donne-moi mes dieux. Qu'est-ce qu'il appelle par ses dieux? Ça, lui, il appelle ça Dieu. Mais quand, avec vous, avec la lecture de la révélation, vous comprenez que c'est quoi? Les démons. Maintenant, ça veut dire que depuis la nuit des temps, les démons et les hommes collaborent et cohabitent. N'est-ce pas? Maintenant, regardez donc le fonctionnement dans l'Ancien Testament. Je pose donc la question. Les justes qui vivaient donc au milieu de ça, comment ils s'en sortaient-ils avec les démons? C'est donc à partir de l'évangile, après, à partir de que le Seigneur Jésus vient, vous voyez, quand il chasse les démons maintenant, la Bible déclare que les gens étaient admirés parce qu'on dit, il commande même aux démons avec autorité et ils lui exécutent. À partir de cet instant-là, est mise en exergue les œuvres de Lucifer. 1 Jean chapitre 3, notez. Vous avez dans 1 Jean, notez 1 Jean chapitre 3, le verset 7 à 8. Là. Vous voyez, la Bible déclare que le Fils de Dieu est venu afin quoi? De détruire les œuvres. Vous avez lu ça, frère? Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, ça veut dire que sur le terrain, Satan avait déjà fait sa chose. Et c'est ce que Genèse chapitre 1 explique. C'est ça le vrai problème. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la création où Lucifer a déjà régné ici. C'est parce que vous saisissez. Vous avez lu ça dans la Genèse. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. Regardez bien ce mot-là. Était déformée. Et était dans le chaos. Vous voyez cela? Et vide. On dit qu'il y avait, quoi? Il y avait des ténèbres sur la terre. Vous entendez ce qu'il dit? Puis Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Puis sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est terrible, frère. Oh, là, il n'y a pas encore la création des êtres humains. Donc, ce que vous appelez la chute, là, ce n'est pas qu'à ce moment-là que Satan a péché. Satan n'a pas péché à cause de chute de l'homme. Jamais. C'est l'une des manifestations de sa chute. Ce n'est pas le fait qu'il est venu faire que Adam désobéit qui a fait péché devant Dieu. Vous comprenez? La Bible explique, lorsque Dieu mettait Adam dans le jardin, il a dit que veille. Il a mis pour garder le jardin et pour cultiver. Cultiver et quoi? Garder. Le garder de quoi? Comment on va garder? S'il n'y a pas de vol dehors, vous fermez votre porte, pourquoi? Vous comprenez? Ok. Et donc, c'est pour ça que Dieu a demandé que quand il a donné l'ordre, il a dit que celui-là fait attention, il va vous corrompre. par ta sagesse, tu t'es livré au commerce. Donc, ce n'est pas le problème d'Adam qui a causé la chute de Satan. Ce n'est pas le problème de ça. Ça, c'est l'une des choses, c'est l'une des clauses. Donc, quand vous ayez le temps de lire le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28 jusqu'au chapitre 32, vous ayez le temps de lire cela. Je suis en allé quelque part. Donc, en clair, avant que l'homme ne vienne sur la terre, le ténèbre régnait. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, avant que l'évangile, le Seigneur ne vienne par l'évangile de la grâce pour présenter le but du royaume, Satan avait là formé son gouvernement au point où il a donné les modèles de démocratie. C'est ce que vous appelez démocratie, ça vient de lui. Ce n'est pas une inspiration de Dieu. C'est ça? Le modèle, la mona. Oui, mon cher. C'est un peu du mal à comprendre. Avant que les hommes soient sur la terre, ils régnaient. Puisque au ciel, il y a un fait pour ces deux différences. Il n'a pas pu venir au ciel. Il régnait comment? Avant que les hommes. Dans ce cas, réponds d'abord à ma question. À quel moment il a chuté? Il avait conçu dans son cœur. Où ça? Où? Il était en haut. C'est parce qu'il était au ciel. Quand il conçut son cœur de lever son trône au-dessus du trône de. C'est quel genre de trône qu'il a entendu parler? Il voulait être Dieu, donc il voulait être fait adorer comme. Je pose la question. S'il veut se faire adorer et qu'il n'y a pas des êtres sur la terre, comment est-ce qu'il y a une adoration? Là, nous sommes dans le ciel. Il a dans son cœur la soif de vouloir être adoré. Suis attentivement ce que je viens de dire. Et il n'y a pas d'être humain sur la terre. À ce moment, il n'y a pas d'être pour adorer le Seigneur. N'est-ce pas? Dans ce cas, il veut quel genre d'adoration? Alors, suis bien la question. Il veut que tu me réponds. Le quoi c'est le compte rendu biblique? Je dis, il n'y a pas d'homme sur la terre. Et tu dis, il avait le désir dans son cœur de vouloir adorer, qu'on l'adore. Que qui l'adore? Puisqu'il n'y a pas d'être humain sur la terre. Que qui l'adore? Hein, mon frère? Non, mais qui doit adorer Dieu? Qui doit adorer Dieu, frère? Pourquoi vous avez des problèmes pour tout avec la Bible? S'il n'y a pas d'homme sur la terre, qui doit adorer Dieu? Mais comment c'est compliqué? Alors, nous nous trouvons dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sur la terre. Qui sont ceux qui adorent le Seigneur? Les anges. C'est pour cela que dans Esaïe 14, il ne parle pas des hommes. On dit, te voilà tombé de cet astre brillant, fils de l'aurore. Toi, le dominateur des nations. Tu disais en ton cœur, j'élèverai mon trône au-dessus, quoi? Du... Je le placerai où? Dans les nuées, au septentrion. Vous voyez, dans les Pléiades. Ce n'est pas ici. Et puis il dit que au-dessus quoi? Des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu. C'est vous qui avez les étoiles? Non. Donc, le péché, c'est là-bas que ça a commencé. C'est pour ça que Christ Jésus devait sanctifier même le ciel. La Bible déclare qu'il a traversé les cieux avec son sang. Et la Bible déclare qu'il convenait que les choses qui sont ici sur la terre, que ça soit sanctifié, que même ce qui est dans le ciel puisse être sanctifié de la même façon. La Bible déclare dans votre Apocalypse chapitre 12 là-bas qu'il y a eu guerre où? Sur la terre. Mais pose la question, à quel moment cette guerre-là a eu lieu? Bon, il parle maintenant dans son... Quand moi il parle, on voit que qu'on va entendre. Il dit qu'il y a eu guerre où? Dans le ciel, il dit que ça, je peux dire. Avant la fondation du monde. Bon, avant la fondation du monde, on l'a précipité où, frère? Non, on l'a précipité pendant qu'il est tombé. Waouh! En disant Dieu dit que la terre soit pour qu'il tombe là-bas. Vous avez des réponses ici. Donc, il dit que, on a dit que la terre soit. Donc, Dieu a dit que la terre soit pour pouvoir accueillir Satan. Puisqu'on dit que, quand on l'a chassé pour qu'il descende où? Sur la terre. Il ne fut plus trouver de place pour eux. Ça, nous sommes au chapitre 12 des Apocalypse, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il faut faire la part des choses avec ce qui est arrivé. C'est entre ce qui est arrivé, ce qui arrivera et ce qui va venir plus tard. Mais dans l'heure où nous parlons, où se trouve Satan? Il est où? Il est pas sur la terre. Il est où alors? Donc, il fait quoi en haut? On peut le localiser, frère. C'est qu'on va envoyer le feu maintenant. Sol air. Quand vous entendez que le monde actuel est sous la puissance du mal, on parle de quoi? Donc, ça dit qu'il règne à partir d'où alors? Deuxième ciel, je pense. Ah, c'est compliqué ces choses-ci. Ça veut dire qu'il y a des niveaux des cieux, n'est-ce pas? De la même façon, en bas là, sous nous, c'est les niveaux. Un peu comme vous êtes ici. Quand vous voyez cette voûte, si vous pensez que c'est le ciel là-bas, vous montez dans l'avion, vous voyez ça encore en haut. D'autres sont sous votre pied. Des strates après strates, d'accord? Mais pour quitter ici, pour aller dans le ciel de Dieu, on ne voyait pas avec l'avion. Donc, ça veut dire que pour quitter d'une dimension à une autre, on utilise les moyens des dimensions, des passages des dimensions. On n'utilise pas les moyens naturels pour entrer dans, d'une dimension à une autre. Vous avez vu votre stade avec les trois des étoiles. C'est de ça dont il est question. Expliquez là-bas. Alors, lorsque Satan a péché depuis le ciel, à cet instant-là, c'était consommé. Il fallait qu'il mette en exécution tous ses projets. Suivez très attentivement. L'objectif clair, c'était de détruire l'œuvre de Dieu. Et comme c'est l'œuvre de Dieu, le chef-d'œuvre le plus grand, le plus glorieux, c'est l'être. Vous voyez cela? Il n'a pas supporté que lui qui est créé par le feu, une histoire qu'on appelle la boue, puisse recevoir toute cette gloire. Vous comprenez ça, frère? Ah, c'est que la création. La création. Vous avez lu dans la Bible, quand je contemple l'ouvrage, l'œuvre de tes mains, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde, que tu prennes ton décision à lui? Maintenant, vous avez lu dans le livre de Jacques, il dit ceci. Ne pensez-vous que c'est pour ça qu'il est écrit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Il parle de quoi? Les gens ne veulent pas parler, donc je crois que c'est mieux, il ferait mieux de parler. Ah, le Saint-Esprit, hein? Donc, tous les hommes alors, ont le Saint-Esprit. C'est de l'homme qui l'a fait habiter. Ok. Donc, la constitution de l'esprit de l'homme est plus chère pour Dieu que les anges. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Si l'homme est dans sa nature de Dieu, il dépasse les anges. Mais le fait qu'on ait chuté, si l'homme est dans sa nature de Dieu, parce que l'homme qui a le Saint-Esprit, tabernaclant en lui, avec son homme intérieur régénéré, il prend la position de l'homme selon Dieu. C'est, n'est-ce pas? Vous comprenez la différence maintenant? Ok. Maintenant, tu as le... C'est ici, je ne sais pas pourquoi vous m'embrouillez. Qui a posé la question avec... Tellement vous m'embrouillez ici. Éphésiens, Abbé Hébreu, chapitre 1, verset 14. Non, ce n'est pas ici, ça, c'est au Maroc, ça. J'entends des voix qui me dérangent avec vous là. C'est pas si quelqu'un soit la question. Mais ça va toujours dans le même sens. On dit par exemple que les anges, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que ne sont-ils pas des anges, des esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut? Regardez, l'ange descend du ciel, dans Actes chapitre 10, va chez Corneille, puis dit, envoie à Joppé, appelé un de nommé Simon Pierre. Vous voyez cela? Il dit qu'il est situé en bordure, mais là où il loge, c'est comme ça. Il n'est pas paru là-bas. Voilà sa mission. Il a quitté le ciel, traversé le ciel pour venir pour cela. Vous comprenez? Ok. Maintenant, est-ce que vous savez donc qu'il y a des anges que depuis longtemps, depuis des millénaires, ne sont pas encore retournés au ciel? Vous savez, moi, frère? Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui vont à mission. Par exemple, vous allez à mission, on vous donne des jours, vous allez faire. Pour eux, il y a des gens qui font, des anges qui font 800 ans de mission. Donc, comme il le sait, descend sur la terre, il ne rentre pas jusqu'à 800 ans soit terminé. Vous savez ça, frère? Amen. Vous bougez la terre, vous savez, si vous ne savez pas, j'avance. Vous ne savez pas, mais Amen, donc vous dites Amen pourquoi? C'est lui qui dit Amen. Ok, donc c'est lui qui a dit Amen. Ok, qui va nous dire, oui, bibliquement, prouve-nous cela. Oui, frère, dans l'Apocalypse, la Bible parle de l'ange qui est tenu sur la mer. Mm-hmm. Donc, tant que l'ordre du Seigneur n'a pas été donné pour que sa mission finisse. Aussi longtemps qu'il est sur la terre. Donc, à l'instant où il parlait, l'ange était là. N'est-ce pas? Et il est toujours, alors qu'on en a parlé. Absolument. Donc, il y a des anges là-bas. Quand les gens voyagent par l'avion, il y a quelqu'un qui est tenu là. Quand vous passez dans les quatre points qu'on a, ils sont là. La Bible dit qu'ils attendent le jour, l'heure et le moment. Ils sont là comme ça. Donc, quand vous voyagez par bateau, vous passez par eux. Tous les bagages que vous faites là-bas, les trafics, vous faites, ils sont là, ils regardent. Ce n'est pas leur rôle là-bas. Vous savez, chacun a sa mission. Quand vous prenez les bateaux, prenez là-bas, ils partent là-bas en mer, ils échangent les prisonniers. L'ange dit que yes, c'est fort sur la terre. Vous faites comme ça, quand vous faites comme ça, il dit qu'il n'y a pas les radars, oui. On a déjoué tous les radars. Les anges bougent la tête comme ça. Oh, ils sont là. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu marchait avec Israël, vous savez que cet ange-là devenait la lumière, il entrait dans la boule de feu. Un temps, il disparaît, c'est pas vrai? Il pouvait aller dans le camp là-bas, il saccage les roues d'Israël. Pas vrai? La Bible déclare que de cette boule de feu, il regarda. Il est descendu, il a frappé. Dieu a dit donc, faites attention à cet ange-là, parce que mon nom est en lui. Vous voyez de qui est la question, n'est-ce pas? Vous voyez que il dit, mon nom est en lui. Il ne tolérera pas le péché. Le voilà qui est venu au milieu de nous. Maintenant, quand il vient pour le service, quand il se présente pour le service, ces garçons-là, c'est pas bon. Vous voyez que cette tendance est assez soulevée là. Donc, ça veut dire que les enfants sont dehors, il faut soulever, parce qu'il va vouloir traverser là-bas. Il faut pas qu'il sorte là-bas. Il croit qu'il y a le mousse là-bas en bas. Peu qu'on dit maintenant qu'il livre les enfants à Moloch. Donc, vous voyez, regardez par exemple, vous lisez le livre de Daniel. Vous savez, quand Daniel, au chapitre 10, quand cet ange a apparu là-bas, remarquez ce qu'il a dit à Daniel. Il dit que je suis resté là auprès des princes, des rois, des Perses. Donc, tous les rois des Perses qui étaient là, c'était lui qui était en charge. Il dit qu'il est resté là. Donc, sur le plan spirituel, c'est lui qui bagarrait pour le roi des Perses. Donc, chaque roi qui est venu sur la Perse, il était le truc. Et il dit là maintenant, je m'en vais. Le prince des Javans viendra. Donc, la mission est terminée. Il est en train de remonter. Un autre ange est assis et assigné. Tout ce qu'on fait sur la terre ici, la bagarre, c'est pas sur le plan spirituel. Quand les démons, les catégories de démons changent en haut, les gouvernements changent en bas. Vous entendez quelqu'un dire que non, nous sommes le socialisme maintenant. Nous sommes le socialisme. Ce n'est pas là. C'est ce qui est en haut. C'est là, en haut d'abord que ça gagne. D'accord? Voilà. Maintenant, suivez très attentivement. J'ai tendu d'aller quelque part. Vous prenez votre Bible, vous ouvrez. C'est comme on a convenu de l'appeler l'Ancien Testament. Vous ouvrez les évangiles. Vous ouvrez le Nouveau Testament pleinement. Dans l'Ancien Testament, vous posez la question où est-ce que les démons habitaient? C'est pour ça que vous posez la question depuis quand Satan domine sur la terre? Si c'est depuis la nuit des temps, ça suppose que la possession n'a pas commencé aujourd'hui. Mais tandis que les gens étaient possédés, ils ne savaient pas quel était le problème. Tandis que les gens étaient dans le problème, ils ne savaient pas quel était le problème. Maintenant, quand le Seigneur vient, il vient dénoncer les œuvres de Satan. Parce que quand il parle la vérité, il met en lumière ce qui était caché dans les ténèbres. Et par conséquent, ouvre effectivement dans le corps. Quand Jésus approche, un homme qui est posé, on dit que qui a-t-il entre toi et nous? Or, quand cet homme était malade, est-ce que les gens savaient que c'était un esprit qui le faisait? Ça l'agitait. Brrr. Alors quand on met le truc là-bas, on dit, ça c'est l'épilepsie aggravée. Ça a touché son cerveau. Si on fait le scanner, vous allez voir que le scanner montre ces bruits là, c'est pas bon. Le scanner montre certaines anomalies dans la tête. Or, ces scanners là qui montrent les anomalies, les gens vont interpréter d'une certaine façon. La seule chose qu'ils vont faire, ils vont mettre des sédatifs là-bas pour endormir quelqu'un. Mais ça ne résoudra pas le problème, parce que le problème est d'ordre spirituel. L'homme ne peut absolument rien faire. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà le but. S'il n'y a pas la destruction des œuvres du diable, ça ne peut pas fonctionner. Nous tous, nous servons Lucifer. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors donc, la révélation de Dieu dans l'Église montre effectivement ça. Et là maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Si vous lisez votre livre de 1 Corinthiens chapitre 1 et chapitre 2, la Bible déclare que Dieu choisit des choses viles, des choses qu'on ne considère pas. C'est ça qui est le plus surprenant. Et vous voyez dans cette prophétie, il dit, Dieu prend les choses de là. Et regardez ce qu'il a pris dans sa création pour pouvoir confondre Lucifer. Il prend la poussière. La poussière. Il fait comme ça, combat-moi le gars là. Vous voyez le Seigneur, n'est-ce pas? Il prend là où vous marchez comme ça là. C'est de là où il prend. Il fait l'homme pour tenir contre le démon. N'est-ce pas humilier quelqu'un, frère? Vous voyez jusqu'à quel niveau il a humilié. Il n'a pas pris un arcane pour aller le confronter. Jamais. L'homme. Et qu'est-ce qu'il fait à l'homme? Il donne son nom. Son nom. Le nom de l'Éternel. Pas l'Éternel. Pas, c'est pas que, oh, au nom de l'Éternel, ça ne marchera pas. On dit le nom. Parce qu'il a dit que son ange là, son nom est en lui. Je crois qu'il faut qu'on explique ça doucement d'abord. D'accord? Il dit que le juste s'y réfugie. Comment s'est réfugié dans le nom de l'Éternel? Et quel est son nom? Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, dans ce livre des Proverbes, chapitre 10, verset 18, il est. C'est ça? Il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc la sécurité est dans le nom du Seigneur. C'est là où il a caché Moïse avant de traverser, dans ce rocher-là. Vous comprenez cela, dans cette protection. Qu'est-ce que ça dit, frère Ever? Proverbe 18. Celui qui dissimule la haine a des lettres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Verset 22. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc finalement, c'est pas là-bas, n'est-ce pas? Vous voyez, quand il dit que c'est dans le chapitre, il fait aller rapidement. Il dit, j'ai ces versets. Chapitre 18. Allô, chapitre 18 maintenant. Je connais mes gens ici, là. Verset 10, alors maintenant. Verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, c'est là où ça se trouve, n'est-ce pas? Je vais toujours traiter ici, là. Alors, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y quoi? S'y réfugie. Donc, un, il faut qu'on comprenne ce que veut dire le nom de l'Éternel. On dit que c'est une tour forte. Enfin, quand vous comprenez sur le plan physique, vous voyez effectivement que quand les gens avaient des problèmes, les juifs avaient des problèmes, c'est pour ça qu'on construisait les murailles, hautes murailles. Vous savez comment les gens font? Quand ils étaient à l'étage, ils disent, ok, monte nous trouver ici. Ils fuyaient, entrent dans la maison, ils barricadaient la maison, ils restent là-bas. Vous faites ce que vous faites dehors. Et ils se disent, ok, on va vous travailler. Ou le canot qui envoie l'eau dans la ville et on coupe l'eau. Quand vous allez rester là-bas, quand ça va sécher, vous allez sortir nous trouver ici dehors. Donc il y avait les tranchées là-bas. Donc, quand on fait. Jérusalem était bâti sur des murailles. On bâtissait. En fait, chaque ville c'était comme ça. On bâtissait les forteresses. Et les gens avaient. Vous savez, quand vous allez dans les camps militaires, il y a des endroits où la sentinelle entre pour regarder depuis le haut. Donc, cette tour-là, ce sont des endroits où les gens puissent aller se réfugier. Donc quand il y avait problème, les gens couraient dans les tours pour essayer pour. Donc pour faire que l'humain comprenne la protection de Dieu, on donne ce genre d'image parce que c'est ça, en ça qu'il se confiait. Quand il te cache à l'intérieur, parce que quand il se cachait, il dit, ici nous sommes en sécurité. Ceci veut dire que Dieu est en train de dire indirectement à l'être humain que le combat n'est pas charnel. Depuis l'Ancien Testament, le combat n'est pas charnel. Mais là, l'Ancien Testament, on ne pouvait pas appréhender. Maintenant, avec la Nouvelle Alliance, nous pouvons comprendre ce qu'il est en train de dire clairement. Prenons le psaume 31. Regardez quelque chose là. Le psaume 31. Je vais vous montrer un exemple là. Nous parlons de la protection, la même protectrice de Dieu, la puissance de Dieu pour nous protéger. Notez Daniel chapitre 3 et chapitre 6 aussi. Daniel chapitre 3, chapitre 6, veuillez parler, veuillez faire les choses qui sont. Écoutez, ce qu'il t'a dit tout à l'heure, qu'il y a des anges qui se présentent et qui sont là. Tant qu'il y a des chrétiens sur la terre, les anges parcourent la terre. Vous savez ça, frère? Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose pour vous saisir ce que je viens de dire. En réalité, les anges ne sont pas tous au ciel. Et quand il y a une situation sur la terre, Dieu dit que descend. Ce n'est pas comme ça. Si Dieu faisait ça, il y a ça longtemps, Satan va créer des cataclysmes sur la terre, détruit. C'est pas ce que vous saisissez. Ça veut dire que nous sommes ici, nous voici ici. Nous voici ici, d'accord, frère? Tous les chrétiens qui se réunissent sur la terre, à cet instant, quel qu'en soit l'endroit, tous les chrétiens qui se réunissent là-bas, il y a des anges assignés qui leur sont assignés. Mais Dieu ne les rend pas seulement visibles. En tout cas, quand on va dans l'explication, vous allez saisir ce qu'il en est. Regardez, ce n'est pas que tous les anges sont en haut, ils veulent rester en haut, que ça chauffe en bas là-bas, ce n'est pas ça. Ils se rendent seulement visibles. Quand vous voyez, c'est quand Dieu veut qu'ils soient visibles. Et je rends grâce à Dieu qui permet que ces anges ne soient pas visibles comme ça. C'est parce que notre foi, sinon tu vas dessiner un jour, il va faire comme ça, il est où? Mon ange, tu es là? Tu dis que non. Après, vous voyez, Satan fait, vous voyez, il prend la même représentation. Il dit, oh mon ange, heureusement que tu es là, il peut dormir tranquillement. Pendant que tu fermes les yeux, il fait tant. Dieu veut qu'on croit en sa présence par la foi. Amen. Vous regardez dans la Bible, quand il va sortir les Juifs d'Israël, de l'Égypte, il arrive là-bas sur le sommet de Pisga. Moïse a quitté la scène à cause de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie en réalité qui fait quitter. Remarquez bien son épilogue quand il parle dans le livre de Deutéronome. Il dit que vous fuyez telle chose et à cause de cela, l'Éternel a fait telle chose par rapport à moi. Il me dit qu'il ne doit pas entrer. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome. En réalité, quand vous lisez la suite de l'histoire, Dieu savait que s'il laissait passer Moïse ce chemin-là, il entrait dans le pays. Les gars devaient dessiner, si Moïse mourait là-bas, il devait dessiner la statue de Moïse. Ils vont dire que, il n'y a eu personne qui nous a délivré comme Moïse. L'essentiel sera maintenant le culte à Moïse. La preuve. Si vous lisez le nombre chapitre 11 et au chapitre 16, lorsqu'ils vont murmurer, je crois que cette jeune fille-ci, tu as beaucoup de sueur, tu as chaud, n'est-ce pas? Viens t'assieds-toi pas ici. Le vent la vient sur toi. Regardez comment il colosse. Aide ta soeur là-bas, oui. Les Kleenex, vraiment cliniques. Alors, regardez. Si vous lisez Nombre chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, vous allez voir toutes ces orientations et tous les péchés qu'ils ont commis, le plus grave de toutes ces choses-ci. Et quand vous allez prendre le livre de 2 Rois chapitre 17, vous allez voir, la Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël avaient murmuré contre Dieu, il les a envoyés le serpent brûlant. Quand il a envoyé le serpent brûlant, Dieu a donné la solution. Et c'est cette pêche-là, vous savez, ces choses que les médecins mettent au-dessus, là, votre truc pharmacie, là, vert, là, le serpent. C'est ça qu'ils ont fait dans le désert. Moïse a fait cela dans le désert. La Bible déclare, quand vous allez lire, après quand ça a quitté le désert, vous ne voyez plus cela. Mais subitement, allons-y là-bas, oh mon Dieu. Notez, rappelez-moi ce proverbe, c'est psaume 31, quand il revient. C'est terrible. Allons au chapitre 18 là rapidement. Donc prenez le temps, vous lisez chapitre 17 de 2 Rois. Vous allez jusqu'au chapitre 18. Au chapitre 17, vous allez voir comment ils ont inventé les dieux avec les Samaritains sont venus. Regardez, allons rapidement au chapitre 18. Parce que si on continue, il va lire tout ça, on va s'éloigner. Regardez, il va lire à partir du verset 1 hein, du chapitre 18 de 2 Rois. On y va, 2 Rois. J'en ai fait une parenthèse là pour vous expliquer quelque chose rapidement. 2 Rois chapitre 18. Aidez quelqu'un à trouver. Je veux qu'on lise et que vous voyez cela. 2 Rois chapitre 18. Je peux y aller. 2 Rois, le chapitre 18. Je crois que tout le monde y est. Maintenant, suivez attentivement. La troisième année d'Osée, le frère, il est encore dans 1 Roi. Il est allé dans la table des matières. sa femme allait trouver deux rois, elle tape le pied au sol comme ça. Quand tu n'as pas trouvé, c'est ton problème. Deux rois, chapitre 18, à partir du verset 1 maintenant. La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Écoutez bien, écoutez. Verset 4. Regardez. Il y a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Puis il y a un Samuel, deux Samuel, Ruth et tous les autres là. Plus de 800 ans. Plus de 800 ans après la sortie de l'Égypte. Écoutez. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièce le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nejusta. Vous avez vu ça, frère? La même chose que les catholiques ont fait aujourd'hui. Vous voyez, l'esprit n'a pas changé. Christ vient faire quelque chose au travers d'une œuvre. Il vient faire, il quitte la scène. On laisse ce qu'il a fait, on s'attend là-bas. Plus près de ta croix, Seigneur. Il porte la croix. Non, il faut qu'il porte la croix. La croix, c'est quoi? C'est le symbole de la délivrance. On t'a délivré, oui ou non? Oui ou non? Entre dans la délivrance. Il dit que c'est le symbole de la délivrance. Il porte ça pour me rappeler que Christ m'a sauvé de la mort. Il dit que c'est pour ça qu'il porte la croix. Ces choses-là, quand vous lisez dans la Bible, c'est pour ça que je peux lire la Bible, je vois directement son application sur le plan. Parce que voici le symbole de la délivrance prophétisée. Ça a été fait, la délivrance est passée, Moïse a quitté la scène, les gens, la chose, ça s'est réalisé. Ils ont continué, ils ont porté ça, avancé en Judée avec, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à adorer. Ils ont donné même un nom, vous avez vu? Aujourd'hui, c'est la Sainte Croix. Maintenant, on a fait jusqu'à ce qu'on ferme, on compte même ça comme les avoues, ça. On compte, vous avez que 150 rosaires. Tu fais quoi? Il fait le Notre Père. Vous voyez les complications qu'on a fait pour compliquer l'esprit des gens. Donc, cet esprit-là, quand vous voyez un catholique, il est hérité de beaucoup d'esprits. Osiris, Isis, Nebuchadnezzar, tout s'est chargé. Les voilà. On dit jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, les enfants d'Israël continuent à offrir le parfum à ces serpents des reins. Si le Saint-Esprit n'avait pas dit ça ici, on ne devait pas savoir ce que c'était devenu. Donc, Dieu avait fait exprès de couper Moïse pour que Moïse n'entre pas. On devait reprendre sa statuette pour mettre là-bas que voici celui qui nous a sortis d'Égypte. Et lui n'est pas sur la scène. C'est ça. Il fallait que Christ vienne dans le temps des photos, il devait voir. C'est que partout, il y a ces photos partout. Il a fait exprès de ne pas venir à ce moment de caméra. Exprès. C'est pour ça qu'il peut se présenter, s'il se tient ici, vous filmez, il ne sort pas. Parce qu'il n'est pas de cette dimension-là. Pourquoi Christ fait ceci? Pourquoi on ne se focalise pas sur l'image? Parce que les images peuvent être manipulées, même dans tes pensées. Parce que les images peuvent être manipulées. Pour avoir accès à lui, ce n'est pas la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose de quantifiable, de touchable. C'est un lieu, un canal qu'il a prévu de se révéler lui seul. Et c'est lui seul qui peut être adoré là-bas. Or, les images peuvent être manipulées. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous donner un exemple. Satan peut prendre quelqu'un, lui donner des révélations sur le paradis et l'enfer. Satan. Jusqu'à ce que tu vas dans un endroit, tu crois sur le paradis alors que c'est l'illusion. Je ne sais pas si vous me saisissez. Que ça entre d'abord bien pour que j'arrive. Vous savez, quand quelqu'un rêve, il dit que j'ai rêvé à un endroit. Il y avait la lumière là-bas, plein de lumière. J'étais en joie, j'ai vu, c'était vert comme ça, là, comme chez les témoins de Jéhovah. Qui a montré ça chez les témoins de Jéhovah? Ce qui dessine là-bas dans le... Vous appelez réveillez-vous là pour s'endormir les gens là-bas. Qui leur a montré cela? C'est Dieu? Juste parce qu'on dessine un trou où quelqu'un assis, vous savez, la lumière pleine sur sa face comme ça là. Qui leur a montré ça alors que c'est interdit dans la Bible de faire ces représentations? Qui? Ces projections-là, ces projections qu'ils font dans les livres, ce sont des œuvres représentatives inspirées des démons. Il n'y a point d'adoration avec des symboles quelconques. C'est ce que la Bible qui enseigne. Parce que Dieu est esprit. Vous saisissez, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire que si les anges se présentent ici, tu vois, un autre ange peut présenter en prenant la même forme. Dieu, voulant nous empêcher cela, veut que nous connaissions là où il a fait résider son nom. Quand vous connaissez cela et que vous y croyez, regardez très attentivement. Si vous lisez Jean chapitre 1, à partir du verset 11, écoutez bien. Prenez vraiment une bonne respiration pour que je parle ce qu'il veut parler. Vous lisez Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, n'est-ce pas frère? Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui, vous voyez, on a dit elle maintenant. Et tout ce qui a été fait par elle. Par qui? La parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. On dit en elle. Qui ça frère? Était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Puis on coupe là-bas. On dit il y a un homme. qui s'appelait Jean. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour servir les témoignages pour la lumière. Puis au verset 14, on se retrouve directement. Prenez le verset 14 là, du chapitre 1 de Jean. Donc normalement, si vous lisez votre Jean, pour bien saisir quelque chose, lisez le verset 1, puis le verset 14. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc frère, tu vas lire le chapitre 1 de Jean, verset 1, puis tu continues au verset 14 comme si c'était la suite. Allons-y, 1, 2, 3. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair. Vous entendez ça? C'est quoi ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu, frère? Ok. Donc, le verset 1, subitement la suite, c'est au verset 14. Maintenant, regardez. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, ce qu'on dit au verset 14, c'est ce qu'on a décortiqué à la suite du verset 2, 3, 4. La façon comme il est venu s'est manifesté. Mais regarde comment on dit. Verset 1, puis verset 14 encore. Allons-y. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Vous avez entendu? Verset 14. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, stop. Vous avez vu ce qu'on écrit là, frère? Donc, Christ, c'est Dieu manifesté en chair. C'est déjà révélé là-bas. Christ est Dieu manifesté en chair. Maintenant, on rentre maintenant les suites des versets. Doucement, asseyez-vous là doucement et vérifiez que votre téléphone, vous qui entrez là, les téléphones sont fermés. Regardez très attentivement, toute votre attention. Regardez. Maintenant, au verset 11, qu'est-ce qu'on dit? Elle est venue chez les siens. Qui? La parole. Donc, finalement, au verset 14, on a compris, c'était qui? Jésus-Christ. C'est qui? La parole. La parole. On dit qu'elle s'est fait chair. Et la parole qui était Dieu s'est fait chair. Maintenant, ça c'est elle, ça veut dire que c'est Dieu. Ok, maintenant, ça veut dire qu'à partir du verset 11, écoutez très attentivement. Écoutez bien, mes chers. Ça c'est la parole, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Celle-là, elle a compris que ça chauffe ici dans l'église maintenant. Alors, verset 11 encore. Elle est venue chez les siens. Qui? Maintenant, donc, chaque fois, on remplace la parole par la, elle par la parole. Ou mieux, on peut remplacer par Dieu, ça ne dérange pas, mais restons sur la parole. Allons-y. La parole. La parole est venue chez les siens. Oui. Et les siens n'ont point reçu la parole. Voilà. Maintenant, soulignez reçu. Maintenant, lis le verset 7. Ah, mon, c'est compliqué cette Bible ici. Verset 7 et 8. Qu'est-ce que ça dit, frère? Il vint pour servir de témoin. Oui. Pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous crussent par lui. Oui. Il n'était pas la lumière. Oui. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème là. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Non, c'est pas la pensée du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette lumière là. Elle était venue dans le monde. Le but, c'est pour éclairer les hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui voit les hommes et c'est lui qui se révèle aux hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Dans Jean chapitre 12, et dans Jean chapitre 8, il va dire, « Je suis la lumière du monde. Quiconque croit en moi aura aussi la lumière de la vie en lui. Il ne marchera jamais dans le ténèbre. » Maintenant, gardez bien le mot là. « Quiconque croit en lui. » Maintenant, ici, verset 11 dit, « Elle, la parole est venue chez les siens. » Donc, la parole s'est manifestée dans une chair humaine. Marchant chez les siens, vous savez de qui il est question. Il dit maintenant, et les siens ne l'ont point reçu. C'est normal, frère? Non. Les siens ne l'ont point reçu. C'est pas possible. Remontez encore plus haut. Verset 3 et suivant, allons-y. Si on parle d'Israël. Attends, Israël, mais Paul était un Israélien. Tous n'ont pas rejeté Seigneur Jésus. Oui. Ok, maintenant regardons bien. Remontons plus haut. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez bien, lorsqu'il va venir au milieu des hommes, allons-y. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoutez maintenant bien, écoutez le changement. La lumière luit dans les ténèbres. Oui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un problème. On n'espérera jamais que les ténèbres reçoivent la lumière. Parce qu'en réalité, lui-même l'a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Donc il y a encore un problème. Ah, cet enseignement, je ne sais pas où ça va nous conduire là-dedans. Alors, il dit la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça, ce n'est pas normal, parce que les ténèbres ne doivent pas recevoir la lumière. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Souligner, ne l'ont point reçu là-bas. Et puis, vous allez écrire quelque chose dessus. Mettez, ne l'ont pas reconnu. Vous allez écrire, puis je vais arriver. Vous avez mis reconnu. Maintenant, écrit au-dessus de reconnu, vaincu. Donc, en clair, Jean et l'apôtre Paul connaissaient le mystère de Genèse chapitre 1. Si vous lisez dans le livre de Corinthiens, quand l'apôtre Paul parle de ces choses, de ce qui s'est passé dans Genèse, il dit car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Vous avez ça. Or, si vous lisez Genèse, c'est pas ce qu'il dit. Il est dit que la lumière soit. Quand vous entendez que la lumière soit, on fait boum dans les films hollywoodiens. Et ça, la lumière fut. C'est pas comme ça. En fait, c'est une prophétie que Dieu a donné. Jean a compris cela. L'apôtre Paul a compris la même chose. Maintenant, ça veut dire que quand les ténèbres régnaient sur la terre, ils croyaient, se croyaient vaincus. Ils savaient qu'ils avaient englobé toute la terre au point où Dieu ne peut plus rien faire. Dieu a donc prophétisé que quel que soit le temps que vous allez durer, la lumière va sortir du milieu des ténèbres et éclairer. Donc la Bible dit ici clairement, dans ce livre des gens, que la lumière des hommes là, c'est venue au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne croyaient même pas qu'ils pouvaient venir, ça c'est un. Mais les ténèbres n'ont pas pu le vaincre. Il a même dit au danger chapitre 14 que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Quand ils ont fait ça, ils ne savaient pas que justement en voulant l'attraper ou le livrer comme Judas l'a fait, c'est justement pour leur propre chute. Ça veut dire que si Satan faisait ces choses-là, il ne ferait pas de telles choses. Comment il va faire? C'est écrit là-bas. C'est écrit dans les prophéties codifiées. Mais le moment venant, en voyant, ils ont fait. Ils m'ont livré pour 30 pièces d'argent. Quand c'est Judas en train de compter les pièces d'argent, pourquoi Satan ne dit pas que Judas ne livre pas, ne livre pas? J'avais oublié qu'on a dit ça là-dedans. Il ne peut pas faire. Il va sauf que accomplir ce qui est écrit. Donc il dit, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce n'est pas normal. Les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Les ténèbres fuient seulement dans la présence de la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas se changer en lumière. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand le psalmiste dit, Seigneur, éclaire mes ténèbres, il veut dire que le Seigneur vient en lui pour que les ténèbres passent leur route. C'est comme ça, les ténèbres et la lumière sont séparées pour toujours. Donc, les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Vous comprenez cela? Voilà. N'est-ce pas si vous saisissez? Alors, par conséquent, les ténèbres ne l'ont point vaincu. Il s'est manifesté long sur la terre et les ténèbres qui régnaient sur la terre ne l'ont point vaincu. Il a eu la victoire. Ah ouais? C'est au point où il est venu même au milieu des cieux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les cieux ont eu du mal à l'accueillir parce que de la façon dont il est venu, il est venu le moins qu'il s'attendait. Un roi, grand roi comme ça. On espérait que c'était lui qui sauverait Israël, qui l'établit. Mais voilà cela. Il a trois jours que ces choses arrivaient. On croyait que le gars là, tout ce qu'il a fait est normal. Mais comment se fait-il qu'Israël n'est pas toujours restauré? Oh, hommes qui sont dans le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire, dont dans la gloire était cachée la souffrance? Il n'avait pas vu cela. Écrit clairement, commençant par Moïse et par tous les prophètes et les psaumes, il leur expliqua ce qui le concernait et dans les psaumes. Ainsi, il leur dit-il, il fallait que le Christ, il est écrit que le Christ devrait souffrir et que mourir et ressusciterait le troisième jour et après que la repentance. Il dit, c'est écrit. Allez dans la Bible chercher. Mais c'est écrit là-dedans, littéralement. Que c'est dit, frère, regardez bien ici. Ici, on parle qu'il va prêcher ça. Ici, il va souffrir. Là, ça commencera par Jérusalem. C'est écrit dans votre Bible. Montrer ça noir et blanc, comme quelqu'un m'a dit que, montre-moi noir et blanc, on a dit que le diable a couché avec Satan et quoi. Si c'était comme ça, c'est qu'il ne devait pas avoir de problème. Je suis persécuté parce que ce n'est pas écrit de cette façon-là. C'est écrit avec le langage de la Bible. Regardez bien le langage de la Bible. Que la lumière soit et la lumière fut. L'apôtre Paul dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait, l'a fait. Briller, vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu qui a dit que la lumière brillera. Or, il avait dit que la lumière soit. Il parlait de Christ, que Christ viendra séparer les ténèbres qui règnent sur la terre. Il est venu, effectivement. Vous avez vu, mon frère? Amen. Donc, Proverbe chapitre. Souvenez-vous, il y a deux passages que nous avons ouverts, on les a laissés là-bas. On est à Psaume 31. Oui. Et au niveau du verset 12 là. Oui. Non, verset 11. Il a fait esprit de lécher là-bas, vous voulez me rentrer là-bas? Et oui. Siens, voilà. Ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, à ceux qui. Comment je veux que vous souligniez cette phrase là, on continue. Puis vous me dites rentrer encore. Son. Ici, c'est pour qui? Le son là est mis pour qui? Non. Laissez Jésus-Christ tranquille, laissez Dieu tranquille. Restons dans les textes. Le texte parlait d'une personne. Au commencement, était qui? Elle s'est fait. Elle, c'est pour là. Bon, on a dit à ceux qui croient en son. À ceux qui croient en son nom. Tu dois croire en son nom. On dit quoi? Elle a donné l'eau. Au pouvoir. Il peut parler, frère. Et vous juste parce que demain vous sortez, vous revenez encore ici. Même si vous ne revenez pas, c'est quand même la vérité. À quel moment Jacob est-il enfant du Seigneur? Oui, frère. Donc, c'est écrit ici. Attends, il y a des choses là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au moins, il est avec l'Éternel. Il a tant aimé le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Vous, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu. Mais lui, il a tant aimé le monde. On arrive. Alors, à tous ceux qui croient en son nom, tout cela, il leur a donné le pouvoir. Exauce ça, le privilège. Gardez, mettez au-dessus le privilège. Parce que quand on utilise le mot la pouvoir, autorité à toi et à travers, on ne comprend pas ce qu'il a de dire. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Et vous vous encadrez devenir, j'arrive. On n'est né pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Patani, il y a un moment où ton enfant devient ton enfant. Hein? Ok. Je ne sais pas comment il va faire saisir ceci. Pour que vous saisissez, mais je crois que le moment est arrivé. On doit dire ces choses pour que vous saisissez. On va avancer quand même avec le Seigneur. Regardez, en réalité, ce que vous saisissez là-bas, c'est que. Et c'est ça qui a fait que quand les gens disent que. Mais on force que les gens disent que je crois au Seigneur. Je dis, je crois au Seigneur, juste que je crois. C'est mon Seigneur, mon sceau. Je le sens ici. Et tu dis que tu es enfant de Dieu à cause de comme tu as fait comme ça. Mais maintenant, Saveron dit. Mais il a dit ses fils, il les connaît avant la fondation du monde. Et la Bible déclare, notez Éphésiens chapitre 2. La Bible dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible déclare, n'est-ce pas? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc si vous avez foi en Jésus-Christ, c'est parce que vous êtes fils de Dieu. Si vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu. Donc vous voyez effectivement qu'il ne s'agit pas de croire que vous croyez. Il ne s'agit pas de confesser que Jésus est votre Seigneur. Il faut avoir foi. Maintenant, Éphésiens que vous avez noté là dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc pour que quelqu'un décide de mettre, d'agir en ce nom-là, il faut que cela lui soit donné. Amen. Vous savez, n'est-ce pas? Il faut que cela lui soit donné. Donc la croyance est prédestinée. Amen. The genuine belief is predestined. Amen. Ce n'est pas à tous. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais comment donc croiront-ils à ceux qui n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez qu'ils sont, envoyés pour prêcher pour que les gens qui sont localisés puissent être localisés. N'est-ce pas, frère? Maintenant, regardons, restons encore sur ce verset 12 du chapitre 2, du chapitre 1 de lui. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Gardez bien ceci. À ceux qui croient en son nom. On y revient maintenant parce que ça nous rejoint dans l'une des Proverbes chapitre 18, verset 10 là. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refugie et se trouve en sûreté. Beaucoup d'entre nous confessons Dieu aujourd'hui sans le connaître. Beaucoup on confesse. Parce que vous lisez ce proverbe là, vous dites le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refugie. Je me cache en toi, Seigneur. Je me cache en toi. Vous allez faire ces choses. Quand tu vas ouvrir les yeux, le démon va te traiter toujours. Parce que c'est pas comme ça qu'on se cache. Il faut donc savoir quelle est cette tour. Parce que c'est une similitude qu'elle a de prendre pour que les hommes puissent saisir ce qu'elle a de me dire. D'accord? Notez pour, psaume chapitre 23, 27. Ok, maintenant, écoutez bien maintenant. Je vais parler avec le langage d'en haut maintenant. Écoutez, ceci veut dire clairement. Et si vous saisissez ceci, normalement la prédication peut s'arrêter. Si vous parvenez à saisir. Ça veut dire qu'à l'instant où les œuvres du Seigneur me sont révélées et que je sais qui a fait cette œuvre-là et que je sais que c'est destiné pour moi, je peux désormais tenir ferme parce qu'il s'est révélé à moi. Et quand il s'est révélé à moi, quelles que soient les puissances, les cohortes qui peuvent se tenir contre moi, j'ai la ferme confiance que celui qui s'est révélé à moi s'occupe d'eux. C'est ça, c'est réfugié derrière son nom. C'est ici, n'est-ce pas? Vous m'avez bien saisi? Donc, on peut boire la bouillie maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça va. Si vous avez saisi, c'est que ça va. Vous avez bien compris? Bon, lisons le psaume là. Allons dans le psaume 27 là. Je vous ai demandé de noter deux chapitres, chapitre 6, chapitre 7 et 8 aujourd'hui, n'est-ce pas? Pendant que vous en avez cherché ça, regardez par exemple le prophète Élisée. C'est compliqué d'expliquer avec les prophètes au moins parce qu'il y a quelque chose. J'aurais souhaité prendre quelqu'un dans la Bible. Vous savez, on ne peut pas faire autrement parce que dans la Bible, il a utilisé les prophètes comme type pour montrer ces choses-ci. Mais c'est obligé de prendre les prophètes pour que vous compreniez. Maintenant, regardez comment le prophète Élisée peut se tenir ici. Et le roi d'Assyrie vient avec les militaires. Si les policiers entrent ici, ils sont pam avec les armes et le truc. Vous savez, quand ils entrent, ils ont déjà bu le fumé le mbanga. Ils font pam pam. Quelqu'un va dire que non, Jésus qui n'est pas Seigneur. Qui a même dit qu'il était le sauveur? Enfin, que c'est sorti de sa bouche comme ça, pas vrai? D'où vient-il que les militaires sont là concrètement et lui il est calme? D'où vient son calme? Vous pensez que ça vient d'où? Dieu. Comment il a pu avoir calme? Alors, il était deux. Géasi était là. Géasi servait qui? Dieu. Géasi lui servait qui? Géasi servait qui, frère? Dieu. Mais c'est pas quand même curieux ça. Et Élisée servait qui? Dieu. Bon, pourquoi l'un était excité et a cherché à enfuir? Il a dit que Élisée ne savait pas que c'était le ministère. Il ne faut pas causer le problème aux gens. Ils avaient demandé de prendre l'autorisation pour fonctionner. Il fait comme ça en disant que le monsieur le roi, c'est lui, le père là. Il dit toujours les choses mauvaises, pas vrai? Pourquoi Élisée, lui, il est calme? Qu'est-ce qui peut le maintenir calme alors qu'il y avait-il des difficultés? Il y avait-il des situations drastiques, humainement impossibles devant lui? D'où vient-il qu'il est calme? Et c'est ça que ça devait dire si celui qui est l'invisible se révèle à toi. Si se révèle à toi, tu sais qui il est. Regardez ce que le Seigneur dit. Lorsque les disciples étaient sur la terre, quand ils marchaient charnellement, ils avaient des bribes de sa révélation. Vous remarquez bien, chaque fois qu'il augmentait du niveau de révélation par rapport à la manifestation de ses œuvres, il se posait la question, mais qui est même celui-ci auquel un de ceux qui voulait mourir là-bas? Mais il porte l'eau, il verse deux litres en, il porte vraiment. Ça, il dit là, c'est grave. Le gars est tranquille, là-bas, il est en train de dormir. Vous pensez qu'il dort, frère? Celui qui verse, il n'y aura ni ses mains, ni ne dort. Ils sont levés. Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. On périt. Jésus lui-même périt. Il est à l'intérieur du bateau. Lui aussi périt. Et puis il se lève là-bas. Il dit silence, qui perturbe mon tout. Toi, silence. La mère fait waouh. Il se tourne. Vous lisez le psaume. On dit que c'est lui qui commande au vent et au flot. Vous savez, ça dans la Bible, frère. Alors il se tient là-bas. Il faut que ce verset-là se manifeste. Il faut que les flots font des problèmes. Il les commande. Ça se manifeste, pas vrai, frère? Alors, vous dites, dans le bateau de ma vie, Jésus est au contrôle. C'est ça, c'est que cette façon, c'est hein, pointer le doigt à Sergio Polo. Dit qu'il doit se repentir. Frère, il pointe dans la chambre de Mavero. Mavero met Sergio Polo là-bas. Regardez, quand il s'élève dans la pirogue, là, dans ces bateaux-là, quand il dit silence, vous avez vu la réaction des disciples? Ok, humainement parlant, il n'y avait-il pas quelque chose pour se soucier? Vous êtes entré dans l'eau pour nager et que l'eau veut faire comme ça, vous étouffer. Vous allez comprendre pourquoi eux, ils criaient. Or, ici, se trouvent les gens qui entrent dans l'eau, ils nageaient. Ils avaient une nagée d'ordinaire. Puisque la Bible déclare qu'ils étaient dans l'eau, ils pêchaient, ils entraient même dans l'eau. Parce que ceux qui nagent, qui vont le filet, ils entrent souvent dans l'eau pour aller chercher le filet. Mais là, ils savaient très bien que ça allait prendre la mer, ils sont fichus. Pourtant, ils savaient nager. Ce n'est pas des gens qui peuvent se noyer n'importe comment. Alors, ils se lèvent, ils disent silence. Après, c'est pour la question. Vous dites que quel est le problème? Le gars bougeait comme ça, que toi tu ne vois pas le problème, tu ne vois pas que le problème qui est là-bas, que tu ne vois pas le problème. Et puis il dit, Jean de peu de foi. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire, Jean de peu de foi, dans cet événement? Qu'est-ce qu'il espérait d'eux? Tu vois, absolument à ça. Que s'il dort, ou bien il ne dit rien, il est au courant des événements qui t'arrivent. N'est-ce pas, frère? Ce que Jésus ne protège pas seulement quand il mange. Quand il les a envoyés deux et deux, il était sur place, non? Jésus avait les boutiques partout, les dénominations partout, qui ont donné les dîmes là-bas. Quand ils sont rentrés, il leur a dit que la dernière fois que je vous ai envoyé, vous n'avez pas pris de bourse. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit quoi, frère? Je pose la question, qui pourvoyait? Qui pourvoyait pour eux? C'est le Seigneur. Étant sur place, il pourvoyait, n'est-ce pas? Alors, quand il pourvoyait, ça montre que même s'il n'est pas là, il peut leur donner ce qu'il veut. Selon leur volonté. Pas vrai, frère? Maintenant, Jésus nous a prouvé dans la Bible qu'il est digne de confiance, qu'il soit physiquement ou bien qu'il ne soit pas là. Il a prouvé depuis l'Ancien Testament qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, écoutez très attentivement. Puis vous allez voir Jésus arriver quelque part, faire comme si il ne connaît pas ce qui arrive. Que disent les gens de moi? Ne connaît-il pas, frère? Donc, même avec ses disciples, pendant qu'il marchait sur la terre, il formait leur cœur pour que leur humanité fasse place à l'homme intérieur. Il avait beaucoup de choses à déconstruire dans leur moment, dans leur mouvement de croyance. Parce que l'être humain croit aux choses, aux renseignements donnés par les cinq sens. Et le Christ a passé le temps, le but principal qu'il a passé avec eux sur la terre, c'est pour qu'ils apprennent à regarder aux choses invisibles. Ce n'est pas normal qu'ils se trouvent là, ils voient plus de 5000 personnes, ils disent donnez-les vous-même à manger. Ce sont les boulangers, frère. Vous avez entendu qu'il y avait un apôtre boulanger. Mais l'autre a dit que mince, le pain que nous en achetons pour 200 deniers. 200 deniers, c'est 8 mois de salaire. Donc, quelqu'un a travaillé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et 8 mois comme ça, on travaille à condition que je travaille chaque jour. Pour qu'on puisse acheter le pain de 200 deniers. Pour nourrir cette foule. Mais ils connaissent ça, ils disent que donnez-le vous-même à manger. Quelqu'un le regarde comme ça, que, mais celui-ci, comment on peut donner à manger à quelqu'un alors qu'on n'a que 5 pains? Qu'est-ce que Jésus veut le faire apprendre? Que du peu que vous pensez avoir, Dieu peut multiplier. Or, c'est les cinq sens. Les renseignements donnés par le cinq sens ne peuvent pas expliquer ceci. Dieu fait des choses extraordinaires avec des choses moins que rien que nous pouvons considérer. Donc, le Seigneur marchant avec eux avait pour but de déconstruire leurs croyances. Que leur certitude ne doit pas se placer sur le renseignement donné par le cinq sens. Notre foi n'est pas basée sur ce que nous ressentons. Frère, on me persécute à la maison. Ça, c'est le CPE de la vie des fois. Notez le livre de Jacques, chapitre 1. Il dit bien, les persécutions au niveau CPE, quand vous êtes diplômé, ce sont les insultes qu'on vous donne à la maison. Les maîtrises, quand on prépare la maîtrise, on vous refuse. C'est que c'est le BA, bah, c'est l'école primaire. On n'est pas encore arrivé au coup moyen de la persécution. C'est lorsque quelqu'un à côté de toi, vous êtes bien, tu aimes la personne, Satan vient, il entre au milieu. Bam! Regardez très attentivement. Dieu n'a pas préparé le cœur de Job pour dire que ta femme va mourir. Il n'a pas donné le songe que quelqu'un est mort dans la famille. Il est resté comme ça. Tiens, on l'a tué. Avec le crise cardiaque qu'on a aujourd'hui, les papayes qu'on mange, oh, j'aime là. Si on vient te dire que ta fille est morte, tu tombes d'abord évanoui toi-même dans le coma. N'est-ce pas, frère? Parce que le cœur n'est pas affermi. C'est pour cela qu'il faut que c'est la parole qui soit dans notre cœur. On vient, quelqu'un sort de loin et dit que tes fils et tes filles festoyaient là-bas. On est venu, non, bang, bang, on a tué, on vient. On dit que je suis venu pour t'informer. Donc, pour que tu saches ça, on le regarde comme ça. Bang. Il dit, le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que ton nom soit élevé. Vous pouvez faire ça, frère. Vous allez dire amen comme ça pour Job. Ça, c'est pour Job que vous dites, ah, amen. Est-ce que quand les événements arrivent, on est prêt à tenir ferme? Est-ce qu'on est prêt à voir la main de Dieu, la main puissante de Dieu derrière? Les événements qui nous arrivent, ce n'est pas seulement les choses de bien que non. J'ai manqué une voiture, Dieu m'a donné une voiture. J'ai manqué une maison, Dieu m'a donné une maison. Comme il donne là, il y a la face voilée du nom de Jésus. Son nom, quand ça fonctionne pour toi, ça attire les persécutions. Quand son nom commence à fonctionner pour toi, ça attire automatiquement la persécution. Parce que de loin, lorsque vous voyez quand les criquets sont là et les insectes là, si on est, quand, vous voyez ça souvent ici. Vous voyez de loin, les insectes sortent de l'obscurité, ils viennent ici, ils ne cherchent pas deux choses. Qu'est-ce qu'ils cherchent, frère? La lumière. La lumière vient vers la lumière. Vous éteignez, ils disent non, il n'y a plus de lumière ici. Ils partent quelque part, ils restent ici. Ils voient une autre ampoule, ils vont là-bas. Donc si vous êtes illuminé, si le nom de Jésus va allumer votre homme intérieur, vous êtes localisé par les ténèbres. À cet instant-là, les caméras sont braquées sur vous. Vous voyez comme les gens mettent les caméras cachées quelque part et puis dans un endroit, on a des monitoring, on a des surveillés. C'est comme ça, le monde des ténèbres vous connaît. Connaît toutes vos activités, vous êtes filmé à longueur de journée. Là-bas, la bande et le disque dur ne se saturent pas. Ce n'est pas 32 gigas égale à 500 gigas. C'est pas 32 gigas égale à 500. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? On va tout voir dans ces pays-ci. C'est le collègue de Papa Tain. 32 gigas égale, ou c'est qu'en quel genre de conversion encore? Donc, continuons, ce sont les choses-là. Alors, regardez très attentivement. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Ne dites pas qu'on se moque de nous, il n'y a pas de problème. Si on te donne 32 gigas, dit que sache que les 32 gigas, c'est équivalent à 500 gigas. C'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas, frère? Regardez, ça veut dire que si nous tenons en croyant que Jésus est notre sauveur véritablement, ce n'est pas le confesser, ce n'est pas confesser qui est le problème. Ce n'est pas confesser que Jésus est Seigneur. Parce que la Bible déclare que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Notez 1 Corinthiens chapitre 12, il arrive là. Les choses-là vont être restaurées aux idées. Puisse la correction puisse venir maintenant. Ok, écoutez. Dans ce livre de Jésus-Christ est... Jésus-Christ est... Absolument. Je pose la question, vous avez dit par le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la Bible dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, chapitre 12, là vous avez noté, le verset 1 à 2. Pourquoi l'apôtre Paul dit que nul, s'il est animé par le Saint-Esprit, ne peut dire Jésus-Christ est anathème. Parce que par erreur, le Saint-Esprit ne peut pas maudire Jésus. Bah, même par erreur. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il va seulement glorifier Jésus. Il va seulement, même si vous dormez, le Saint-Esprit parle au travers de vous, il va glorifier Jésus. Il ne peut pas maudire Jésus. Et il dit, et de même, quelqu'un ne peut pas dire Jésus-Christ est Seigneur. Regardez comment je prononce. Quelqu'un ne peut pas dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais les gens disent Jésus-Christ est Seigneur par intelligence. Parce que vous pouvez lire Jésus-Christ est Seigneur. Que tout Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Celui-là parlait par le Saint-Esprit. Si vous lisez, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc vous pouvez avoir accès mentalement sur le fait, le renseignement que Jésus-Christ est Seigneur. Or, la Bible déclare que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, écoutez très attentivement. Ça veut dire que ce style de confession, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur, quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur pour lui fonctionner, parce que pour lui, il est poussé par le Saint-Esprit. Comment donc comprenez-vous que dans le processus de délivrance, le démon puisse prononcer le nom de Jésus? Pourtant, la Bible déclare qu'à la mention de Jésus, tout genou fléchit. Toi qui allais les délivrer, tu prends le nom de Jésus. Le démon qui allait te prendre le nom de Jésus. C'est dans la Bible, non, frère? Hein? Les sept filles disent que va. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Il dit, mais toi là, je connais Jésus. Ça, c'est le démon qui est en train de parler. Alors, comment se fait-il qu'il prend le nom de Jésus? Ça ne le dérange pas. Et que quelqu'un va dire, je te commande au nom de Jésus, sort d'elle, il sort. Vous voyez que celui-ci prononce par le Saint-Esprit, il ne prononce pas par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le nom de Jésus n'est pas une amulette. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. L'utilisation du nom de Jésus doit se faire avec autorisation de lui. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ça fonctionne donc pour ceux qu'il a dit, ceux qui ont le privilège. Dans ce livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Vous comprenez cela? C'est ceux à qui il a donné l'exousia. Et donc, c'est ceux qui croient en son nom. C'est pas sûr, c'est Z. Ceux qui croient en son nom. Le nom de qui, frère? Le nom de qui? Non. C'est ça le problème maintenant. Le nom de la parole. Donc, on dit que vous devez croire au nom de la parole. C'est là maintenant qu'on commence à avoir maintenant les problèmes. Elle est venue chez les saints. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Elle a tabernaclé parmi les hommes la parole. Elle, la parole est venue chez les gens. C'est les saints. Les saints ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole leur a donné le privilège, l'exocia, l'autorisation de se manifester comme son enfant. De se manifester comme son enfant. Parce que c'est une partie de la parole les engendre pour qu'il se manifeste comme lui-même. Vous voyez là, n'est-ce pas? Il ressemble dans mon cœur. Quand tu crois en sa parole t'engendre pour que tu te manifestes comme lui. Parce que c'est la parole qui fonctionne en nous, justement. Lesquels sont nés. Vous voyez là, cela? Lorsque vous croyez en la parole, vous êtes nés, non selon la chair, parce que la parole recrée en nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, dans chapitre 5. Il dit que ce n'est pas quelque chose d'être, c'est de se circoncis ou de ne pas se circoncis. C'est quelque chose d'être une nouvelle. Mais comment être dans une nouvelle créature? Puisque là-bas, il dit Père de Dieu sur tout l'Israël de Dieu. Donc il dit ce qui est quelque chose, c'est quoi? D'être une nouvelle créature. Donc s'il y a quelque chose à être, c'est ça, il faut être. Vous pouvez décider d'être une nouvelle créature. Parce qu'on doit être engendré selon sa volonté. Donc vous croyez au nom de la parole. À cet instant, la parole vous engendre. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est pas si vous saisissez, frère. Ce n'est pas que... Regardez. Plusieurs fois, pendant qu'on parlait dans la première partie des missions impossibles, missions quoi là, dangereuses. J'ai cité le cadre. Écoutez bien, bien attentivement. Quand nous parlions ici dans la première partie, pendant que j'étais en train d'expliquer la mission que Philippe a eue en Samarie, j'ai dit... Les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Écoutez, tout le va où là? Pourquoi elle est assise là dehors la porte, non? C'est même pas qu'elle est devenue le gardien aujourd'hui là. Dans la première partie de l'enseignement, où, la mission impossible, mission dangereuse, c'est quoi? C'est pas le film là, pour ceux qui n'avaient pas été là-bas. J'ai dit, et je suis revenu là deux fois. J'ai dit que la Samarie, enfin, la Jérusalem, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant entendu dire que la Samarie avait quoi? Reçu quoi? la parole de Dieu. J'ai dit souligner cela, n'est-ce pas, frère? Nous y sommes. Ayant entendu que la Samarie avait reçu la parole. Ok, comment la Samarie a reçu la parole? Comment? C'est-à-dire qu'on a venu prêcher que Jésus est le Messie. Oh, les gens disent oui, nous croyons. C'est ça qu'ils ont reçu. C'est ce que ça veut dire, reçu la parole. Actes chapitre 19. Je crois que nous allons revenir dans la deuxième partie dans cet enseignement. Nous sommes fait plus d'une heure trente là. Vous avez là chapitre 19, là, revenez parler. Actes des Apôtres, chapitre 19. Ce qu'on va lire maintenant fait suite de ce que je viens de citer concernant la délivrance faite par les sept fils d'Esquiva, bien des souverains sacrificateurs qui étaient parmi là, dont les enfants faisaient l'exorcisme ambulant. Ils ont porté le gadget pour aller chasser les démons. Ils ont utilisé le gadget, ça n'a pas donné, que maintenant, essayons pour l'apôtre Paul voir. Ils ne savaient pas que l'apôtre Paul avait été appelé par cela. L'apôtre Paul est loin de l'Esprit de Dieu. On y va. Lisez le verset, parce qu'on lit le verset 19. Hein. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à environ 50 000 pièces d'argent. Oui. Environ 50 000 pièces d'argent. Oui, qu'allons-y maintenant. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Stop. Vous avez suivi ce qu'on a dit là, frère? Vous avez suivi? Amen. Vous avez compris ce qu'on a dit? On dit que quand ces choses s'est manifestées, le Saint-Esprit dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur faisait quoi? Comment donc la parole croit en puissance et en force? Comment? Donc, regardez. Je crois que plusieurs fois, vous les anciens ici, vous avez prêché sur les paraboles de la terre, les quatre les styles de terre. N'est-ce pas? Puis le Seigneur interprète que celui qui a reçu la semence sur telle terre est comme ça. Celui qui a reçu. Après, il dit que c'est celui qui écoute la parole. La garde. Vous avez vu cette interprétation-là? Recevoir la parole. C'est quoi de recevoir? Parce que là, dans Jean chapitre 12, chapitre 1, verset 12, il dit, mais à ceux qui croient en son nom. Pour tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui croient en son nom. Il a donné donc le privilège de devenir. Vous avez entendu à devenir. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Devenir. Ça veut dire qu'ils sont désormais une nouvelle créature. Parce que lorsqu'ils croient à la parole engendre, ils deviennent une nouvelle créature. Ce n'est pas que désormais je n'étais pas enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on est maintenant une nouvelle créature, créée comme Dieu veut. Donc maintenant, on est comme son image. On est exactement à l'image dont la Bible parle. Voyons, donc là, on est né de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. Ici, vous comprenez? C'est si sa pensée n'était même plus ici. Donc il va pour moi ici. Après qu'il avait sorti, il va dire que non. Il avait dit, quand tu dis Jésus est mon Seigneur, tu es né de nouveau. C'est comme ça qu'il va sortir pour aller dire que c'est moi qui ai dit cela. Je fais tout et tout, je fais doucement, je calme, je vous regarde pour voir si vous c'est ce que je viens de dire. Donc, les apôtres, à chapitre 8, disent, les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem, ayant entendu dire que la Samarie avait reçu la parole du Seigneur. Ils avaient reçu la parole. Ils avaient reçu la parole. Or, Philippe allait leur prêcher l'évangile, mais on dit qu'ils avaient reçu la parole. Comment ils ont reçu la parole? Comment? Le Philippe prêche, il prêche que Jésus-Christ est mort à la croix, ainsi de suite, et tous les autres précautions puissent avoir. Comment les gens reçoivent la parole? Comment ils reçoivent? Puisque vous restez là pour écouter. Et le plus grave, c'est que dans l'église primitive, pas comme aujourd'hui, les dimensions nous ont transformé là, on ne finissait pas, on ne disait pas que si quelqu'un croit ce qu'il dit, levez la main, mettez maintenant la main sur votre poitrine, fermez les yeux maintenant. Et dit, Seigneur Jésus, je reçois ta parole. Ça, c'est la bêtise. Même si vous dites comme ça, 400 000 paroles, vous ne recevez pas la parole. Parce que la parole, ce n'est pas comme ça. Écoutez bien. Alors, lorsque le vent de l'esprit envoie donc la prédication dans une direction, ça produit des fruits. Parce qu'il y a des gens localisés là pour cela. Lorsqu'il envoie, l'homme qui est né de nouveau, c'est ce que Jésus a expliqué. Quand le vent va dans un sens et dans un autre, vous ne savez d'où elle va, d'où il provient, d'où elle va. Quand il va, c'est pour un but précis. Alors, lorsque le Saint-Esprit a localisé la Samarie, qu'il a envoyé, c'est lui qui a envoyé Philippe là-bas, il est descendu là-bas, quand il a prêché, les gens ont cru au nom de Jésus. Les gens ont cru au nom de Jésus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour croire au nom de Jésus? La Bible nous explique que ça doit être donné. Puisque c'est le même Jésus qui prêche les Juifs, vous interviewez les Juifs aujourd'hui, il dit que, qui est Jésus pour vous? Il dit, c'est un bâtard que les chrétiens ont inventé. Pas vrai, frère? Les juifs, ceux-là qui sont de sa nationalité, de sa patrie. Et c'est un bâtard. L'autre dit c'est un homosexuel. Oui, quoi? C'est un homosexuel? Oui, la Bible dit que c'est un homosexuel. Il te prouve par A plus B dans Marc chapitre 14 que c'était un homosexuel. Et c'est ce que les résolutions enseignent. C'est ce que les gens de la franc-maçonnerie enseignent. Que Jésus, le mystère du grand maître, c'est qu'en réalité. C'est donc pour cela qu'ils peuvent prendre un néophyte qui vient. Quand je crois à la Bible, vous dites non, l'homosexualité, on va te montrer que même David lui-même était homosexuel. On dit qu'il a embrassé Jonathan et que l'amour qu'il avait pour Jonathan était plus fort que l'amour des femmes. Donc quand on couche avec un homme, on s'en dépasse pour les femmes. Vous voyez là où on est, en prenant dans la Bible. C'est ça, frère. Vous voyez? Vous allez voir quelqu'un qui fait dans la magie de l'horoscope. Il dit que vous dites que la Bible a montré qu'on ne fait pas l'horoscope. Oh. Vous regardez, Jésus a dit que quand vous allez quitter, vous allez voir quelqu'un qui porte la cruche. La cruche, c'est quoi? Il part verser le milieu, ça veut dire qu'on a de quitter, on quitte de l'œil de poisson pour verser à l'œil du vaisseau. C'est leur interprétation. Et tout ça est cohérent, il te prend depuis la Genèse. Vous voyez effectivement que vous devez croire au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur effectivement protège. Donc, psaume chapitre 27, donc, comme vous avez ouvert tout à l'heure. Psaume chapitre 27. Quand vous allez lire votre Bible, vous allez voir de façon indélébile que tous ceux qui ont espéré au Seigneur, tous ceux qui ont espéré en lui, c'est-à-dire que qui croit, David ne croit pas parce que il était spécial devant le Seigneur, non. Regardez très attention, avant que Dieu ne commence à se manifester, il avait vu les œuvres de Dieu dans sa vie, dans sa jeunesse. Il est derrière les brebis. Je veux que vous me montrez comment qu'il y a le courage, s'il y a une école de courage ou une école pour élever, où on dit que si le lion te poursuit, la première réaction, si tu vois le lion, c'est que toi-même, tu vas faire quoi, frère? Tu vas passer au milieu des brebis pour que, avant de te trouver, qu'ils ont d'abord attrapé plutôt les brebis. Tu te caches derrière les brebis. Pas vrai? Mais il avait le type du berger dont le Seigneur est. N'est-ce pas ce qu'il s'est présenté? Ok. Regardez. Quand il s'est présenté dans 1 Samuel, je crois qu'on ferait mieux les listes, c'est avant que ça nous éloigne encore. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand il s'est présenté, la Bible déclare que Saül, le roi d'Israël, était plus haut que tous les autres personnes d'Israël, n'est-ce pas? Donc, en termes de taille, il était plus grand. N'est-ce pas, frère? Il était plus élevé de taille. Pas vrai? Mais la Bible déclare que l'autre, la Goliath, c'était un problème. Quand il met le pied, en fait, quand vous voyez le film, on monte quelqu'un, on monte l'écran comme ça. On dit que quelqu'un est entre 137 coudées et 200 coudées. Vous prenez la moyenne, 148. Vous prenez un coudée, vous multipliez par une coudée, ça veut dire 55 cm. Vous multipliez, vous voyez quelqu'un est dans les 14 mètres. 14 mètres, 150 mètres. 150 mètres. Il dit bien 150 mètres en moyenne. Vous voyez quelqu'un qui a 150 mètres. Vous lui prenez votre Bible dans le livre des Nombres, chapitre 14. Le rapport que les gens leur donnent, on dit que nous étions comme des. Sauterelles. Ouais, placez vers les sauterelles. Vous voyez les sauterelles. Quand vous êtes la sauterelle, passe à côté, vous ne savez même pas que vous êtes là. Pas vrai, frère? Prenez cette comparaison. Prenez la distance des sauterelles. Prenez votre comparaison. Vous multipliez le rapport. Vous voyez ce qu'il en est. C'est vrai que vous pouvez être en train de marcher comme ça. Les enfants nana vous piétinent sans vous en rendre compte. Quand vous piétinez le fourmi au sol sans vous en rendre compte. Les enfants nana, voilà à quelle taille ils étaient. Vous avez vu le plus grand immeuble de Bonanjo. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui se tient comme ça. Il envoie la main, il prend quelque chose dessus. Il dépose. Vous utilisez l'ascenseur au lieu pour monter. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez. Si on a comme ça trois sur la terre, on va s'en sortir, frère. Donc quand vous avez l'immeuble comme ça, quand l'immeuble de Maman Véro, il cogne seulement ses pieds, il dit, mais comme vous cognez vos orteils sur le caillou, vous dites, aïe, aïe, aïe. Lui cogne ses orteils sur l'immeuble. Il cogne. Malheur à ceux qui sont dans la maison en train de dormir, il y aura des catastrophes, pas vrai? Dieu merci pour cette race-là qu'il a détruite, mais ils referont surface. N'est-ce pas? Vous avez assimilé? Ok, maintenant, un bout de choses vient se tenir là-bas. Le monsieur vient encore, tant. Quand il a fini de manger dans son camp, il vient. Et Israël, quand il dit Israël, chacun veut pisser. Tu vois, un militaire va à côté, il dit que tu as dit que tu es sergent, non, va pas devant. Que c'est on tue les gens par ordre de grade. Du plus grand chef au plus petit, je suis sans galon. Donc, je n'ai pas d'expérience de guerre, vous avancez. Pas vrai, frère? Considérez cet homme, David. David, ça veut dire ce qu'il veut dire. David veut dire bien-aimé. Considérez David. Il se tient là au camp. Il a de parler à son frère. Son père dit que va donner à tes enfants, à tes grands frères, ces choses. Ils sont au camp là, parce qu'ils fabriquent là-bas depuis. Il vient. Comme si c'était un hasard. Pendant qu'il a de parler, le garçon là vient encore parler. S'il avait donné la nourriture partie sans que le gars ne parle, il ne devait pas savoir ce qui se passe. Mais qui a fait qu'à cet instant là, il vient parler, c'est bêtise qui parlait souvent. Ils avaient fait combien de jours là-bas sans bouger? Personne ne bougeait sans voir. Combien? Combien de jours Israël avait fait sur place? Je pense qu'ils lisent la Bible. Ça fait longtemps que vous avez lu, frère. Ils ont fait 40 jours sur place. Personne ne bougeait. Nuit et jour sont là. Les gars cherchent. Les généraux de ce côté, Saul dit que yes, on est mal barré. Il y a un combat, c'est de l'autre. Si on fait ça, comment? Les combats sont d'ordre spirituel en réalité. Tous les combats que vous voyez, que ce plan physique, quand vous voyez, la guerre là, c'est d'ordre spirituel. D'ordre spirituel d'abord. Ce sont des démons qui sont en train de se combattre. On avance. Alors, il se tient là. Il entend. Vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un? Israël, j'ai dit que trouver quelqu'un, si vous me vainquez, on va vous saccager ici. Écoutez, quand les gens écoutaient, ils avaient la terreur. Lui n'écoutait pas la même chose. Pas vrai, frère? La même parole que celui-là a dite. Mais lui n'a pas écouté la même chose. Il dit, mais qui bavarde les bêtises comme ça? Ou imaginez un bout de chou. Tu vas te montrer ce que tu veux faire. Lui n'a même pas d'abord la taille, la carrue de leur plus grand chef. On dit que, si vous lisez 1 Samuel chapitre 9, la Bible déclare qu'il est surpassé en taille sur tous. Donc, quand on fait ça, si Saul se met en rang comme ça, là, vous êtes de l'autre côté, vous voyez sa tête au-dessus des autres personnes. Mais le voilà là-bas, sa part de tête était encore plus en bas que l'autre Goliath. Alors, quand il a regardé, il regardait en haut comme ça, il dit que, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, en tant que chef, il ne peut pas montrer qu'il a trop tort. Vous savez que les chefs n'ont pas, même quand ça veut pas, il se tourne là-bas, il dit aïe, aïe, aïe. Mais devant les gens, il dit que, moi, je suis fort. Vous connaissez les Simpsons, non? Comme boxer chaque fois. Sa femme dit que oui, chérie, il faut supporter. Lui, là, c'est lui qui comprend sur son corps. Après, il sent que c'est pas grave. Je dis, tombe. On avance, frère. Mais comme prêche comme ça, vous ne dormez pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a mes histoires qui vous racontent. N'est-ce pas, frère? Espérons donc, il y a la bouillie de toute façon. Maintenant, on avance. Regardez, David se tourne là-bas. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter quoi? L'armée de l'Éternel. Il dit comme, et s'est tourné vers il bavardait cette histoire là, il s'est tourné, il dit que mais quand si on traite ce type-ci là comme ça là, qu'est-ce que le roi promet à cette personne qui va le traiter? Son grand frère dit que je te vois venir. Tes histoires que tu fais là, tu crois que c'est le mouton ici là, le mouton on sait gérer terre là. Rentre à la maison, dis donc. La Bible déclare, vous voyez ce qu'il a fait maintenant. Il s'est détourné d'eux. Parce qu'il savait que ce n'est pas le chef. C'est adressé au roi. Monsieur le roi, si tu ce type, si toi comme ça, le gars là regarde vous que toi. Un maigrichon, vous a-t-il le tue? Il lui a expliqué maintenant quoi, frère? Ses expériences. Ses expériences avec le Seigneur. C'est les expériences avec le Seigneur. Avec l'expérience avec le Seigneur, il était sûr que la même chose se passerait ici. Où est-ce que la soeur allait dire non? Donc, si Dieu se révèle en toi, si Dieu se révèle à toi, il te donnera la ferme conviction que même sans sa présence, il est là. Parce qu'il y a derrière une expérience. C'est pour ça que vous devez sonder vos vies pour voir les expériences avec le Seigneur. Ce sont les expériences que tu as eues avec le Seigneur qui fait l'été ensemble que plus tard tu peux le retenir. Et Dieu leur avait dit ça dans la Bible. Vous allez voir à plusieurs endroits, il va dire aux Juifs que rapportez à vos enfants pour que vos enfants rapportent aux enfants des enfants des générations en génération en perpétuité comment je vous ai délivré en Égypte. Pourquoi Dieu fait cela? Pour que le compte rendu donné à l'Égypte par les anciens, pour qu'ils comprennent effectivement que leur Dieu est puissant. Vous voyez dans ce livre de Michée, chapitre 4, verset 6, il dit, tandis que toutes les nations marchent au nom de leur Dieu, nous marchons au nom de leur de l'Éternel. Nous marchons au nom de l'Éternel. Donc nous avons confiance en notre propre Dieu. Alors il s'est tenu là-bas. Ça leur dit, ok, on ne sait jamais quel caillou va tuer l'oiseau. Ok, vas-y alors. Maintenant, regardez très attentivement. Lui, il avait ses instruments de guerre. Il sort, il dit, porte ça pour te protéger. Lui, il avait ça. Pourquoi il n'est pas parti? Vous comprenez? Lui, il avait ça. Il avait l'art de guerre. Quand la ville a entendu, il a pris, porté, mettre le casque. Il dit, mais ça, le casque ici. Vous comprenez ce qu'il a dit? La théologie. C'est ça. Donc tu as des relations avec le Saint-Esprit comme ça. Il te manque quelque chose. Il te faut aller à l'école de théologie pour parfaire ça. Vous voyez ce qu'il en est. Vous faites ces choses. Vous quittez la scène avec cette onction-là. Vous voyez ce qu'il arrive avec l'onction et puis le Saint-Esprit. L'onction est facilement transférable dans les vies. Mais pour que Dieu vienne tabernacler, c'est une autre affaire. Pour que Dieu vienne tabernacler, c'est une autre affaire. L'onction peut être là facilement. Lève-toi, frère. Voici un frère, par exemple. Si vous avez fait au moins la classe de quatrième, n'est-ce pas? Vous avez vu, quand on enseigne l'électricité, on vous demande de prendre le bout des stylos. Vous frottez, vous mettez le bout de papier là à côté, et puis vous frottez. Écoutez très attentivement. Vous frottez votre stylo, et puis vous allez sur le papier. On dit que ça augmente le papier. On parle de l'excitation de l'atome, des électrons qui sont excités, et il y a transfert d'électrons, et ça produit le courant. Regardez ce frère, par exemple, le voici, il est électriquement neutre. N'est-ce pas? C'est que vous faites en quatrième, en faisant. On peut le charger maintenant. On peut le charger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, son atome spirituel, on le charge. On fait que. Parce que si l'atome se charge, soit ça perd les. Quand vous avez un atome, ça perd les électrons, puis ça gagne. Quand ça gagne les électrons, ça charge négativement. Quand ça charge positivement. Quand ça gagne, ça perd les électrons, ainsi de suite. Donc ça perd, ça va conduire. Si ça gagne, ça va conduire. Pas vrai? Les anions, le cation. Donc ça veut dire que si on le fait perdre les électrons, on peut le communiquer cela. Et puis maintenant, vous dites, cette main se touche, ça va vous toucher, vous avez quelqu'un. ça chauffe. Dans le courant, ça conduit dans le courant. Ça, c'est l'onction. L'onction est différente du baptême du Saint-Esprit. À cet frère. Et ceci donc, ouais, ceci c'est transférable. À cet frère, il te montre. C'est transférable. Géasi, oui, prends ce bâton-ci. Va sur c'est l'enfant de veuve là. Dépose son bâton là sur lui. Vous voyez, qu'est-ce qu'il espérait? À cause de la cupidité qui est sur le cœur de Géasi, il n'a pas pu faire cela. Il expirait parce que c'est le bâton. Il dit que prends mon bâton, va déposer sur l'enfant. Donc il devait déposer comme ça, l'enfant devait se réveiller. Qu'est-ce que le bâton d'Élisée a à voir avec ces choses et que c'est Géasi qui doit transporter? Tu peux avancer? On peut avancer, frère. Vous me comprenez? Regardez. Toi, mets la main là-bas. L'onction est transférée par toi. Mets la main là-bas. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il peut avancer. Amen. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur ne fonctionnera que pour ceux dont l'acte à qui s'est révélé. C'est pour ça qu'il faut l'autorisation pour fonctionner son nom. Sinon, tout le monde va tirer son nom. Même les pasteurs, remarquez, dans un autre enseignement, connais-tu ton pasteur? On a vu le pasteur nigérian qui utilisait, qui venait guérir, non? Et qui il avait fait le pacte, il avait couché avec une scie. Vous avez entendu dans son assemblée, il a dit que je vous guéris au nom de Sirène. Il dit vous guérir, soyez guéris au nom de Jésus. La question c'est comment il peut dire soyez guéris au nom de Jésus et les sirènes se manifestent pour pouvoir donner des choses aux gens. Comment? Ça veut dire que le nom de Jésus peut être prononcé comme une amulette, comme un talisman. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Jésus veut qu'il y ait un contact créé entre ceux qui prononcent ce nom-là et lui. Dans la vie quotidienne, il y a des gens qui... On arrête les gens chaque fois qu'ils ont pris la tenue militaire portée. C'est n'est-ce pas? Un militaire va en formation. On lance d'abord le concours, il passe dans son nom, dès le départ, est sur la souche. Il va et se forme, il rend à un moment donné, l'autorité du pays remet sur son épaule le droit d'être militaire. Donc, à l'instant où il se présente comme militaire quelque part, c'est le pays qui l'endosse. N'est-ce pas? En vertu de l'autorité qui lui a été conférée. Maintenant, quelqu'un il porte ce même grade, il met sur lui, il dit « Je suis militaire. » On appelle ça usurpation des titres. Il peut dire qu'il est militaire, ça passe par ici. Jusqu'au moment où il va être confronté, à un moment donné, on va lui poser la question « Par quelle autorité fais-tu ça ?» Vous comprenez ce que ça nous dit spirituellement, n'est-ce pas? « Par quelle autorité fais-tu cette chose-ci? Qui t'a donné l'autorisation, c'est-à-dire présente-toi. Vous voyez? Ça veut dire que vous voyez, vous prenez ce faux militaire, c'est quelqu'un qui utilise le nom de Jésus-Christ étant faux. Vous prenez le vrai militaire, c'est celui que Jésus a enrôlé dans son armée et lui a donné l'autorisation d'utiliser son nom quand il le veut. Vous voyez la différence, n'est-ce pas, frère? Donc, ce n'est pas que si je prends le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça va marcher, ou ça va pas marcher. Ce n'est pas ça le problème. Il faut vérifier si on croit en ce nom. C'est-à-dire si un contact a été créé. Et pour que le contact se crée, c'est le Saint-Esprit qui attire et crée le contact. C'est le Saint-Esprit qui attire et crée le contact. Je crois que donner l'eau aux gens, il est plus de 19h là. Distribuer l'eau, pour distribuer, les gens boivent pour que j'avance. Faites ça doucement. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut distribuer l'eau, servez-le. Restez posé pendant qu'on a de parler, d'accord, frère? Psaume 27, donc. Le psaume 27. Mademoiselle, tu vas donc depuis que tu es signé, tu n'as plus de sueur, non? Non, c'est bien. Là, le vent passe là, non? Psaume 27, verset 1 à 3, qu'est-ce que ça dit là? Mon frère Blaise, tu y es? Okay. Psaume 27. Oui. Verset 1 à 3. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Stop, vous avez vu ce qui est écrit ici? Que l'Éternel est quoi? Voilà le renseignement qu'il a. Il dit, l'Éternel est sa lumière et son salut. Dans ce cas, s'il est comme ça, de qui aurais-je? Vous voyez ce qu'il en est? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est réfugié dans le Seigneur. Il est réfugié en lui. Donc, c'est réfugié dans le nom du Seigneur, ça ne consiste pas pour dire « J'ai borné mes bornes avec le Seigneur. Je m'enferme avec le Seigneur ici. Je m'enferme. » Quand tu auras besoin de pisser, tu vas quitter la borne là, n'est-ce pas, frère? Tu vas pisser là-bas. Tu vas dormir là-bas. C'est là-bas que tu auras besoin de manger. Tu vas aller à la cuisine, non? Pointe quelqu'un. Dis « Cesse le pentecôtisme. » Pointe à droite, dit cesse le pentecôtisme. Vis la parole. Quand ça ne va pas, quand on fait, wow, wow, wow. L'ennemi continue à approcher, dit, ok, je me coupe plutôt le nom de Jésus, du sang de Jésus, je verse partout là-bas, le sang de Jésus. Donc il a compris que le nom de Jésus n'en a pas puissance, c'est plutôt son sang. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Dit la Bible dans l'ancien Proverbe chapitre 18, verset 10. Le juste s'y réfugie. N'est-ce pas? Qui s'y réfugie, frère? Le juste. C'est le lieu de protection des justes, de ceux qui sont appelés de lui. Ça veut dire que Dieu appelle ses brebis, il veille sur eux. Il ne quitte pas son regard de dessus le juste, dit la Bible. On dit quand le juste crie, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Il le délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez ça, frère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement vérifier si j'ai été justifié. Donc, vous voyez une fois de plus, c'est la relation avec le Seigneur qu'on cherche ici. Il faut la relation avec le Seigneur. C'est pas fini là. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Oui. Quand des méchants s'avancent contre moi. Regardez très attentivement. Donc, vous voyez effectivement cette arme là. Quelqu'un se tient là, les méchants sont en train d'avancer. Qu'est-ce qu'il dit? Pour dévorer ma chair. Oui. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et puis il dit si. Si une armée se comptait contre moi. Ah mon Dieu. Se campait contre moi. Ça, c'est ce qui est écrit. Oui. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Stop. Vérifions ça avec nous. Qui peut dire que ce psaume est vrai pour lui? Vous avez entendu par exemple les mauvaises nouvelles dans votre entourage, non? Quelle est la réaction? Vous êtes dans un quartier, vous entendez que tel voisin est mort, tel autre est mort, dit, hey, l'ange de la mort, il faut qu'il voyage d'abord. Que l'ange de la mort est en train de parcourir le quartier c'est dangereux. Ce n'est pas le quartier qui est dangereux. Parce qu'il n'y a pas en réalité un endroit sur cette terre-ci où vous pouvez vous réfugier. On a dit qu'il n'y a qu'un seul lieu, c'est derrière le nom du Seigneur. C'est là-bas qu'il faut revenir. Ok, quand tu fuis pour aller au village, tu prends quoi? La voiture. Tout à l'heure, lorsqu'il est temps de le développer, j'ai dit que dans notre ville, se trouve une autre ville qui est incrustée, qui sont des villes parallèles. N'est-ce pas? Ok. Vous venez construire la route, vous passez dans le champ de quelqu'un. Comment on fait on dédommager. Et dans ces liens, ce sont les lieux des alliances, les hauts lieux. Ils disent que la condition, c'est que chaque année, on prend des gens. Pas vrai, frère? Et vous envoyez comment on prend les gens. La nuit, les gens qui se sont là-bas, ils s'assoient en haut carrefour en train de faire les incantations. Ceux qui ont des yeux peuvent les voir. Donc vous passez dans la mamie des gens. Les gens sont en train de préparer dans plein route. Et vous passez là-bas, quelqu'un se lève dans le spirituel, il pointe le doigt sur la voiture qui est en train de venir. Que le prochain voiture, il fait comme ça. Deux routes passent entre les mains de la personne. La personne fonctionne. Oh, il voit que mais le goudron, c'est aujourd'hui là, les routes sont fermées, les trous sont fermés. Hein. Alors qu'en réalité, c'est le ravin qu'il a de voir. On dit que le chauffeur dormait. Il a viré comme ça dans le ravin. Alors que quelqu'un l'a orienté en lui donnant une autre route. Maintenant, si tu fuyais donc, parce qu'il y a l'ange de la mort dans ton quartier, et tu es en l'air, et que c'est ce moment qu'on devait faire, où tu te trouves où? Pointe quelqu'un. Dis, aie confiance au Seigneur. Voilà. Aie confiance en son nom. Ça veut dire ici, regardez bien ce que le prophète André dit ici, c'est que, je vais prendre qui? Tiens-toi debout là, mamisa. Mamie, tiens ici. Bon, la cérémonie, on ne donne pas cette tenue ici debout. Viens ici, toi, viens. Pour cette tenue debout, elle fait comme ça. Vous comprenez que même si l'ennemi vient là, tiens-toi ici. Qui peut gifler quelqu'un ici? Regardez sa joue là. Si elle est têtue, on gifle. Qui peut gifler, frère? La personne est loin comment? Je veux seulement vous expliquer que je peux vous comprendre ce que David a envie de dire. Comment tu dis que frère David veut gifler? Qui veut gifler cette soeur-ci? Ah! Vous n'avez pas joué le mauvais rôle, mais quand vous sortez, vous jouez le mauvais rôle partout. Qui veut jouer le rôle de Satan ici, frère? Ne vous inquiétez pas, ça ne calera pas sur vous. Personne ne fait faire cela. Si ma parole, tu veux me confesser à moi. Tu veux la gifler, n'est-ce pas? Hein? Comme tu. Comme j'ai dit que tu es la gifler là. Ok, Ok, va gifler alors. Non, comment? Non, tu t'es levé, non? Avance-toi comme si tu voulais, je lève la main pour gifler. Avec l'onction. Lève la main. Ok. Vous avez vu la réaction de cette soeur-ci? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. Lisons encore le verset 3. Restez debout. Restez debout. Allons-y, verset 3. Si écoutez. Une armée se campait contre moi, oui. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Elle, quand elle lit ces psaumes-là, elle se souligne, pas vrai? Combien, ça, c'est une armée. Une armée, c'est au moins, il y a beaucoup des hommes. Combien d'hommes sont trouvés devant elle? Bah, c'est un exemple de l'ennemi. Quand les hommes font, c'est un exemple pour nous montrer notre état, notre crainte par rapport aux Saintes Écritures. Lui, David, en train de dire, s'il reste comme ça, on vient entourer tout Jérusalem. Il a confiance que le Seigneur va le délivrer. Il est une armée campée contre moi. Sinon, comment comprenez-vous qu'une nation comme Israël, regardez Israël, se trouve entourée par les pays arabes qui ont même des bombes nucléaires? Quand j'en avais parlé ici par rapport à tout ce qui va arriver à Jérusalem. Comment ils sont là au milieu? Au milieu, tout autour, personne ne peut les dominer. Pourquoi? Ils comptent sur quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Israël? Parce qu'il y a des gens spirituel là-bas pour protéger. Il y a des gens qui sont là, malgré qui sont dans la loi. Quelqu'un m'a posé la question, entre temps, il prie qui? Il prie Dieu de la Bible, mais pas de la façon dont vous priez. Alors voici un ennemi qui vient pour taper cette soeur-ci. Ceci, ça veut dire que même si on fonce contre avec le couteau comme ça là, sa position devrait être: Seigneur, je m'en remets à toi. Ça, c'est dans le cœur. Ça, c'est dans le cœur. Veuillez vous asseoir, je vais vous expliquer quelque chose, ce qui s'est passé au courant des temps. Lorsqu'on entraînait les premiers chrétiens au bûcher, d'autres ont brûlé. D'autres, on les mettait en partie au lion. On ne les tuait pas avant de donner au lion. Parce que les gens restaient dans la foule là-bas, comme vous voyez le match là. Au milieu du terrain, il y avait des grilles. On vous mettait là, on vous entassait. Quand vous êtes prêts, on ouvre une grille comme ça là. On laisse les lions d'abord avoir faim. On ouvre la grille, les lions foncent sur eux. Des enfants jusqu'aux vieillards. Parce qu'ils croient au nom du Seigneur Jésus. Ok, là-bas tu es en face là. Tu vas te battre contre le lion. Tu pourras te battre, frère. Les gens se laissaient mourir en étant dans la joie. C'est-à-dire que le lion, frère, s'il attrape plutôt ta main, commence à manger. Tu es vivant, tu vois comment on a été mangé ta main. Tu es que, prenez le cas d'Étienne, dans ce chapitre 7, on lance le caillou, bam, ça tape, bam. Et ce n'est pas une personne qui lance le caillou. Quelqu'un t'a visé le caillou, par hasard, ça tape sur ta tête, corps. Si c'est même un frère, avant de dire que oui, frère, je te pardonne, tu vas d'abord l'insulter, au moins que frère, qu'est-ce que tu peux faire comme ça? Tu ne peux pas bien voir. Tu confonds ma tête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que ça a fait mal. Mais ici, c'est plusieurs personnes. Et regardez, avant que les personnes n'emmènent Étienne pour le lapider, vous comprenez que les démons ont fait la surface. Ils ont déchiré leurs vêtements en extrême colère. Hôte de la terre, un tel homme. On lance le corps, on lance le corps. Ça vient de tout part. Frère, la Bible déclare, il s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, que ne leur impute point ses péchés. Quelqu'un d'autre doit être à l'intérieur. Sinon, tu vas bloquer le caillou en attrapant un. Que toi, j'ai pas avec toi. Tu vas dire que moi, il me finit, j'ai fini avec toi. Tu attrapes, même avec la dent, tu attrapes sur son. Vous savez, sur son œsophage. Tu attrapes à la gauche que vous me tuez, je pars avec une personne. Pas vrai, frère? La nature humaine réagirait comme ça normalement. Mais cette autre personne, lorsque cette autre-ci est détruite à l'intérieur, le Dieu d'amour se manifeste. Plus il se manifeste. Alors, ceux-là, quand on les amenait en partie au lion, ils étaient calmes dans l'arène de lion. C'est ça qui a fait convertir beaucoup d'autres personnes qui étaient des prédateurs et qui étaient des gladiateurs. Vous voyez, les personnes qui libéraient, ils étaient surpris de voir comment les chrétiens, quand on mettait le feu sur eux, les gens ne se lamentaient pas dans le feu. Ils étaient calmes. D'autres chantaient les louanges dans le feu. On mettait le feu sur eux, les gars chantaient. Ils disaient, gloire à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends notre âme. Et ne pardonne, n'impute point le péché à tous ceux-ci. Nous prions, Père de gloire, que notre sacrifice soit de libation pour les générations futures. Nous voici là maintenant. Alors que si on te touche comme ça, bam, tu vas dire que mon père est avocat, l'ami de mon père était magistrat. On va te montrer que c'est nous sur cette terre. Sur cette terre, frère, sur cette terre. Ne défendez pas les choses de cette terre-ci. Mais le Seigneur dit que si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. Il a dit, si on te gifle sur un jour, tu fais quoi? Quelqu'un me dit que frère, de toute façon, tu n'as pas bon dîner, une bonne gifle. Ceux-ci, on ne les giflait pas, on les mettait au lion, frère. Enfin, regardez dans la Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Vous regardez dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, qui louait Dieu constamment et de façon perpétuelle, il était serein avec le Seigneur. Mais un jour, on l'a accusé. Les ennemis l'ont accusé. On a sorti le décret. Le décret l'a perturbé, frère. La Bible déclare qu'il est venu lire le décret. Note de service numéro 6. Donc, à compter d'aujourd'hui, vous priez Darius. C'est-à-dire, il dit, moi, Daniel, il faut mentionner que, cher Dieu Darius, tu es mon Dieu, tu parles. Il est rentré dans sa maison. Il a ouvert la toiture du côté de Jérusalem. Seigneur, aie miséricorde. Tu avais dit par la bouche de ton prophète, quand nous serons des pécheurs amenés captifs, qu'on se retrouve de ce côté, si on se tourne vers toi, tu nous seras favorable. Sois nous favorable. On est en train de crier, on dit, on n'a pas entendu d'arrêt dans ta bouche. Tu as prié le Dieu de Jérusalem. On va te tramoter. Pas vrai, frère? La sanction était là. Le roi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Darius a cherché à le sauver. On a dit que Darius, sache que la loi, même le chef de l'État n'est pas au-dessus de la loi. La constitution dit que tu dois sauf que le tuer. Il a dit que Daniel, puisse le Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Il dit, Daniel, le combat n'est pas humain. C'est un combat d'ordre spirituel. Écoutez bien cela. C'est un combat d'ordre spirituel. Donc il y a des entités derrière. Et ces entités-là prononcent des paroles au travers de leurs oracles pour que ça puisse se manifester sur la terre. C'est ce que le psalmiste dit dans le psaume 31. On va y arriver tout à l'heure. Je crois que depuis qu'on a ouvert ce psaume-là, on ne va même pas lire. Il dit, ceux qui tuent par la langue. Comment on peut tuer par la langue? On arrive. Et donc là, il a dit Daniel, il l'a mis là-bas, il l'a jeté. La Bible déclare que le roi n'a pas pu avoir le sommeil cette nuit-là. L'ascension, c'est on devait le jeter à la fosse d'eau. On l'a quand même jeté. On arrive là maintenant. Écoutez bien, par rapport à cette protection par le nom du Seigneur. Maintenant, c'est un pentecôtiste. Vous savez, il y a un truc que quelqu'un envoie sur WhatsApp où on a écrit, il y avait un lion qui s'est levé. Je crois que c'est quelqu'un qui était dans le désert, il a trouvé un lion. Le lion fait moi. Vous avez vu ça? La personne dit que Seigneur, protège-moi, protège-moi. Il est étonné. Le lion aussi ouvre la bouche. Il dit, mais il demande au lion que tu n'es pas chrétien. Il dit, toi tu n'es pas chrétien, oui. Il dit, je suis sorti le matin, j'ai prié que Dieu me donne la nourriture. Donc le lion dit que c'est lui qui est la nourriture là-bas. Il ouvre les yeux, il prie que Seigneur, protège-moi, protège-moi. Le lion dit, mais je vois que toi-même tu es chrétien. Il dit, oui, tu pries. Oui. Que j'ai prié le matin pour que Dieu me donne la nourriture. Donc pendant ça, Dieu, le lion donne l'arçon de grâce qu'on va manger celui-ci. Il a prié pour la protection. Alors supposons que vous soyez pentecôtiste, vous êtes là-bas, vous êtes d'ailleurs, on balance face au lion, bam, vous tombez là-bas. Vous regardez le lion. Vous dites que okay, Ivan Castaneda disait quoi là? Que penser positif. Je pense positif. Je ne crois pas que je suis dans la fosse au lion. Je ne crois pas que je suis dans la fosse au lion. Le lion va wanda, c'est moi, c'est toi que même. Pointe quelqu'un, dit que arrête la pensée positive. Crois au nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur qui fonctionne. C'est pas le fait que tu crois que non. Ta pensée, que tel est l'homme, tel est sa pensée. Pense positif, vois que comment ça va arriver. Ok. Vous dites, vous êtes devant le lion. Le lion fait. Merci Nebuchadnezzar, merci. Je dis, par la foi, je suis couvert par le sang de Jésus. Tu vas voir que ton sang là sent bien encore pour l'attirer. Je ne crois pas que je suis dans la fosse au lion. Je disparais. Tu me rends à la fille de Mizini. Quand mes persécuteurs me couvrent, quand toi-même tu vas savoir qu'en faisant les pensées positives, tu vas ouvrir les yeux comme ça pour savoir si le lion est en train d'arriver. En fait, tu ne peux pas faire comme ça en allant vers la direction du lion. Tu vas faire seulement comme ça. Quand le juste crie, l'éternel est délivré. Quand il se délivre, c'est comme ça. Vous allez faire comme ça en allant par derrière du côté du barré où il n'y a pas encore le lion, pas vrai? Et pendant que vous faites comme ça, le lion vient avec assurance. Que tu es entré dans ma tanière, qui t'a demandé de désobéir à la parole, c'est Dieu. Voilà. Il dit, l'ange de l'éternel campe autour. Je trace mon territoire et verse le sang de Jésus. Verse le sang de Jésus. Fini, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir que quelqu'un devant toi, on peut commencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette fosse au lion? C'est ici où on se retrouve maintenant. Vous voyez la différence entre celui qui confesse la parole et celui qui croit à la parole. Quand on croit à la parole a effet. Parce qu'il a déjà dit que le juste peut se trouver dans les tribulations, mais l'éternel va l'en délivrer. Quand on l'a accusé devant le roi, ne pouvait-il pas dire au roi de changer le cœur? Ne pouvait-il pas changer le cœur? Il a laissé que ça suive son cours. Le but, c'est que son nom soit élevé. Le but, c'est pour que le nom du Seigneur soit élevé. Pour qu'on voit comment il délivre des situations les plus extrêmes de l'humanité. Alors là, il se lève le matin, le grand matin, il sort, il va haut. Il dit, Daniel, ton Dieu, a-t-il pu te délivrer? Il répond à l'intérieur. En fait, quand il disait comme ça, il n'espérait pas une réponse. Parce que personne n'entre là-bas et sort. Ah, mon Dieu, il me semble bien là maintenant. Il dit, oui, roi, vis éternellement. Il ne dit pas que mon Dieu a pu me délivrer. Il dit la façon dont il a délivré. Qu'est-ce qu'il a dit, frère? Mon Dieu, en qui j'ai confiance, a envoyé. Qui, frère? Son ange. Donc, quand les gens ont envoyé Daniel là-bas, les gars sont arrivés à la porte. Ils n'entendent pas. Oh, parce que les gens entrent là-bas. Quand ils entrent, ils se battent. Tu te bats pour rien. Quand vous êtes dans une situation, vous savez que vous allez mourir. Remettez votre âme au Seigneur. Seigneur, lorsque nous sommes là comme ça, je me souviens de telle chose. Daigne me pardonner. Si je ferme les yeux, reçois mon âme. Faites cela. Quand Christ était à la croix, lorsque c'était le dernier moment, il a remis son esprit entre les mains du Père. Remettez-le. Quand vous voulez dormir, maintenant, écoutez très attentivement, voici cela. Quand vous voulez dormir chaque fois, cachez-vous en lui. Donnez l'autorisation qu'il cache votre âme, cache votre esprit pendant que vous dormez. Pourquoi ne vous prenez pas vous prendre, on vous envoie en Afghanistan. On vous prend, on va vous sortir, mais c'est comme si on tapait avec le bâton. Mais si on t'entraîne, tu ne travailles pas, on te tape. Vous comprenez? Cachez-vous en lui. Cachez-vous en lui. Cachez-vous en lui. Vous voulez dormir, dites Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que vous ne connaissez pas les magiciens qui viennent dans vous, pendant que vous allez dormir. Seigneur, je remets cette maison entre tes mains. La parole que vous avez dite sera placée sur la maison. Vous comprenez? Alors Daniel, on a fait sortir Daniel. Quand on a fait sortir, la loi était passée sur lui. La loi des Mèdes et des Perses, il a vraiment accompli. Maintenant, comme c'était l'accusation, le roi a ordonné qu'on jette non seulement. Écoutez bien, vous voyez que si vous naissez dans une mauvaise famille, c'est un problème. Quand les gens l'avaient déjà fait jusqu'à taper les nez, ils sont allés faire le tous, vous savez, la célébration. Quand on a fini avec le gars là. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, personne n'a le droit de conclure une histoire. Amen. Quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, personne n'a le droit de conclure une histoire. Quand ton histoire n'est pas encore conclue par Dieu, ne dites pas que c'est fini. Et n'essayez pas de dire que ça va quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, dites Seigneur, ça ne va pas. Ce n'est pas un manque de foi. Dis-lui que ça ne va pas. Criez devant lui, ça ne va pas. À qui d'autre, si il ne crie pas à toi, à qui devais-je aller? Vous voyez? Criez devant lui. Ce n'est pas un manque de foi, ne fais pas comme ça là. Sœur, comment tu vas? Le Seigneur règne. Est-ce qu'on a demandé s'il règne ou il ne règne pas? On a demandé comment tu vas. Si ça ne va pas. Ça ne va pas là où je suis. Ça, à cette, faites, arrêtez cette bruit ici. Ça ne va pas. Je suis à tel état avec le Seigneur. Le Seigneur, dites, j'attends que le Seigneur ouvre les portes. Dites comme ça. Non, non, je ne crois pas à la foi que ça va aller. Je ne crois pas à la foi. Après, tu viens pas dire que ça fait longtemps que j'ai pris, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est ça que là, il manque de foi. Dis que le Seigneur, ça ne va pas. Ce n'est pas un manque de foi. Tu reconnais là ta faiblesse dans l'esprit. Et Dieu se manifestera. D'accord? Maintenant. Quand on s'est tourné là-bas, regardez, j'étais en train de dire que cette famille, ce qu'ils avaient accusé, ils croyaient qu'ils avaient fini avec Daniel, non? Ils ne savaient pas. Regardez le cas d'Esther, de Mardochée, avec tous ces gens-là qu'ils avaient fait. Juste parce que quand Mardochée est rentré, il dit que hey, le roi veut honorer quelqu'un. Chérie, oh, il veut te casser la vie. Tu avais dit qu'il veut te construire comme ça en Côte d'Azur, non? J'étais très confiant en moi. Frère, il connaissait ce qui s'est décidé au ciel contre lui. Après, il demande conseil. Quand on veut honorer quelqu'un, c'est quoi? Toi-même, tu penses que le roi peut honorer qui? Il y a qui dans ce pays? Tu vois qui? La Bible déclare que c'est l'Éternel qui éprouve les voies de l'homme. Quand il entre en contact avec un homme, il peut savoir, pas vrai? Il est rentré dit à sa femme, il dit que yo, je vais t'acheter un bon boulot. Quand on marche, on va te dire monsieur Aman, monsieur madame Aman. Tu prends le nom d'Aman, sans toi comme un amaniste. Ah, il disait ça. Quand il est allé comme ça, il est sorti, bon, sa femme était à la maison aussi que c'est moi maintenant dans le coup de grand. Moi dans le coup de grand, et pas. Après son mari encore. Chérie, c'est quoi? Il dit que quelque chose passe dehors. Pointe quelqu'un, dit quand Dieu n'a pas dit la fin d'une histoire, personne n'a le droit d'arrêter l'histoire. Quand il est entre sa femme encore, il entre dans la cuisine, il dit que chérie, Amman, c'est comment il était toi? Il entre partout, il sort, il dit c'est quoi? Il dit ça, c'est quelle illumination dans ce pays-ci? C'est quelque chose. Chérie, c'est quoi? Tu es entré, c'est tout joyeux tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va? Il dit c'est Mardochée. Il dit mais c'est Mardochée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Il dit que le truc qu'on disait, c'est là, c'est tout Abraham qu'on a fait. Il dit hein? Il dit oui. La femme lui a dit c'est Mardochée, là, que tu dis. Il est de quelle nationalité? Il a dit c'est un juif. La femme a dit oh, oh, oh, oh. Oh. La femme a prophétisé contre son mari. Si c'est Mardochée contre qui, devant qui tu tombes, est un juif, tu ne t'arrêteras pas, c'est que ta part est finie. Frère, pointe quelqu'un dit qu'on ne va pas devant un juste. Avec les persécutions, on s'en sort. Parce que toutefois, quand tu te places devant un juste, tu veux pour le persécuter, c'est contre Dieu que tu en as laissé tenir. Quand il avait parlé contre Mardochée, pas contre Mardochée, c'est toute la cohorte du ciel qu'il était dressé. Et là, comme ça, c'est vanté. Sa femme lui a dit que c'est Mardochée que tu comptes qui se tombe. Si c'est un juif, regardez bien, ce n'est pas le nom Mardochée, c'est le peuple à qui il appartient. Parce que c'est le prince des dieux, ils ont touché le cœur des dieux. Il dit, ce juif-là, si c'est un juif, c'est sa propre femme qui a commencé à dire que mon ami, c'est que c'est fini. Pas vrai? Et c'était fini comme sa femme a dit. Maintenant, ceux qui ont persécuté Daniel. Quand ils ont fait ça à Daniel, la Bible déclare, écoutez très attentivement, c'est pour ça qu'il dit que vous, si vous êtes dans une famille et que votre père apporte la raison à vous manger, que mon père est riche, je suis de la famille de Paul Biya, attends, il quitte la scène, tu vas voir comment on va changer le nom chez les juges. Ah non, non, quand je vais à Genève, je prends le passeport. Quand ça va arriver grave, vous avez vu, on a gelé tous les avoirs de Mobutu, pas vrai? On bloque tous les passeports diplomatiques, on dit qu'il ne voyage nulle part. Par un seul décret, et tout ce que vous viviez comme une rose paradis change maintenant en ténèbres. Tout devient noir. Pas un seul décret. Les personnes que tu es dans le monde. Oh, le président. Tu dis, allô, oui, ministre tel, oui, je suis le fils du président. Il dit, pardon, je suis en voyage. Je suis trop occupé. Il va te faire un clip. Il dit, chien, comme ça, quand on peut manger là-bas, c'est de l'homme. C'est là où on commence à voir le cœur de l'homme. Pas vrai? Voilà pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Alors, quand ces gens-là venaient faire les tosses à la maison, qui avait préparé? Quand ils venaient faire tosses à la maison, qui avait préparé? Sa femme. Quand ils se réjouissaient, les enfants étaient là pour applaudir. Le décret est sorti que non, jetez-le, non seulement eux, mais leurs femmes et leurs enfants. La Bible déclare, avant qu'ils n'atterrissent, mais les lions les ont trouvés qu'en l'air. Vous avez lu ça, frère? Donc les lions n'ont pas attendu qu'ils salissent sa table. C'est en haut qu'on les a accueillis. Maintenant, écoutez, les femmes ont été impliquées. Les enfants ont été occupés à la place du juste. Je donne l'Égypte pour te racheter. Vous avez entendu cela? Donc, il suffit seulement d'être en position que Dieu veut. Il suffit d'être en position. Et quelle est cette position? Croire au Seigneur. Avoir confiance en lui bêtement. Pointe quelqu'un. Dis à ton voisin que si tu veux croire de la bonne façon, tu dois admettre que tu es un mouton. Qui est un mouton? C'est ça. Moi, je vais me dire que qui est mouton, moi. Mais si j'utilise le langage qui est bien en disant que tu es une brebis du Seigneur, dis oui, je suis la brebis. La brebis, c'est quoi, frère? Le mouton. Donc, vous êtes un mouton. On dit mouton, il dit oui, je suis un mouton. Tu dis comme ça que comment tu sais qu'il va te sauver? Il a dit. Donc, si on est à l'état de mouton vrai, Dieu peut nous conduire. Mais le problème, c'est que quand on dit mouton, après tu entends quelqu'un dire que moi, je suis le lion de la tribu de Judas. Donc, ça dit que tu peux défendre les femmes. Il dit ok, avance, lion de la tribu de Judas. Comme j'ai dit que je suis le lion de la tribu de Judas, quand tu dis que tu es le lion de la tribu de Judas, avance, voir. Quand ça ne va pas, après tu dis que hey, je chasse l'ennemi. C'est pas comme ça. Regardez ce qu'il dit ici. Si une armée se campait contre moi, mon cœur sera malgré cela, malgré qu'il y ait ces choses-ci, sans crainte. Donc vous voyez que quel qu'en soit, c'est que les renseignements qui sont tout autour de nous, le but c'est de toucher notre cœur afin que nous manquions de foi devant le Seigneur, n'est-ce pas? Et le contraire justement que le Seigneur veut, c'est que si à n'importe quelle situation, que ce soit spirituel ou physique, que vous fassiez confiance qu'il est là. N'est-ce pas, frère? Regardez dans Actes chapitre 28. Pourquoi ça fait presque 2 ans que je parle là? Dans chapitre 28, l'apôtre Paul était en train d'être emmené en prison à Rome. La cargaison a commencé, ce cyclone a commencé sur la mer Vrou. Quand l'ange est venu au milieu, tous ceux qui étaient là savaient qu'un ange est venu. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il était au milieu. On est venu lui donner le décret que la vie de ces 214 personnes qui se trouvent ici sont entre tes mains. L'apôtre Paul pouvait décider de leur vie ce qu'il faisait. Je veux que vous voyez la responsabilité qu'on peut donner à un autre, à un homme. Que la vie est entre tes mains. Donc tu peux faire de toi ce que tu veux. À votre avis, un pasteur qu'on a mis en captivité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait? Il dit, Seigneur, par décret présidentiel, sors-moi un flambeau neuf, qu'un bateau sort ici avec un conducteur. Dès qu'il est dans ce bateau, fais-le, noie ceci. C'est pas ce qu'il disait aujourd'hui. Il a eu pitié de lui parce qu'il a redonné la voie de sortie. Qu'il faut qu'on échoue sur une île. Ne sortez pas, il ne se perdra que. Il a prononcé, il ne se perdra que cette cargaison. C'est ça seulement qui va se perdre, pas vrai? Qu'est-ce qui se trouve en l'intérieur de celui-ci au point où même ses ennemis cherchent à les protéger? Ce n'était pas un prisonnier, frère? N'avait-il pas la chaîne? Si les militaires mouraient, il n'était pas libre? Mais il ne veut pas la liberté donnée par fuite en avant. Il veut que si le Seigneur l'enchaîne, il accepte que c'est le Seigneur qui l'a enseigné. Il parcourt le moment que Dieu aura voulu. Et puis, il le fait. Le seul moment le plus bon pour qu'il écrit les bonnes lettres et les bonnes révélations, c'est quand il était en prison. Quand il est en prison, il est posé. Quand il est en train de marcher partout là-bas, il passe le temps à délivrer le monde, prêcher l'évangile. Mais quand il est dans une chaîne maintenant, ça te fait dire que, bienvenue. Les anges de visite en prison, ce qu'il est en train de dire, c'est que, écrit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, écrit. Qu'on a écrit. Quand le Saint-Esprit finit avec lui, il quitte. Vous avez lu Luc de Palmos, non? Apocalypse. L'île de Palmos, c'était une prison, non? Vous avez vu quand après ça, Jésus l'a enlevé de Guantanamo. Il a enlevé son esprit à Melo. Tu as vu, mon ami. L'île de Guantanamo, c'est bien pour la méditation. Reste là. Comme il voyait au-delà de la vision humaine, il peut être dans un endroit, les prisonniers s'écrient. Il ne s'écrit pas. Parce qu'il n'est pas là comme autre prisonnier. Les situations qui arrivent aux justes n'arrivent pas comme ça arrive chez tout le monde. Parce que les situations des justes sont sous contrôle. Les situations des justes sont destinées à faire. Parfait sa foi, à ce que sa foi quitte d'une étape à une autre. Donc lorsqu'on pleniche, on murmure pour que ces choses quittent, c'est vrai, on dit qu'on ne veut pas avancer dans l'avancement de la foi. Alors, on ne doit pas prier pour que les persécutions cessent, que les tribulations s'arrêtent, parce que les tribulations sont nécessaires pour parfaire notre vie spirituelle. Et pour cela, il faut avoir confiance dans le Seigneur. Et pour pouvoir avoir cette confiance à ce niveau-ci, il faut avoir eu des expériences avec lui. Donc, le point de départ, c'est la rencontre et l'expérience. Vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Chapitre 26 d'Ésaïe. Chapitre 26 d'Ésaïe. Qu'est-ce que le verset 6 dit, mon frère? Verset 5 et 6 disent. Chapitre 26 d'Ésaïe. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. On va prendre le verset 3 d'abord. À celui qui est ferme dans les sentiments. Dans ses sentiments. Oui. Tu assures la paix. Encore. La paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Soulignez ça. Vous avez suivi ce qu'écrit là, frère? Vous avez vu ce que le Saint-Esprit dit? Il a dit qu'au pasteur qu'il aime beaucoup, il le fait prospérer. Vous avez suivi ça, frère? À celui qui? À celui qui? Dieu fait quoi? Et pourquoi il a su cette paix? C'est ce que Dieu dit. Ayez recours au Seigneur. Il est le rocher des âges. Il est le Dieu qui ne manque point au temps de la détresse. Donc il permet qu'il y ait des détresses. Et l'apôtre Paul dira dans sa propre bouche maintenant que qu'est-ce qui donc peut nous éloigner de l'amour de Christ? Les tribulations, les hauteurs, la profondeur, nul. Aucune créature ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en. Donc il nous a aimés définitivement. Si nous a aimé définitivement, ce n'est pas à cause de n'importe quoi que vous pouvez vous éloigner de lui. Donc même si vous pouvez croire que vous êtes éloigné de Dieu, ça c'est toi qui crois ça. Parce que lui, il a dit qu'il ne peut pas s'éloigner de toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Entouré de sentiments, j'en parle quelques instants. La Bible n'est pas en train de parler d'un sixième sens. Non. La Bible n'est pas en train de parler d'un sentiment que je sens que ici Dieu va agir. Ce n'est pas ça dont il est question. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses voies, dans sa relation avec moi, à celui qui est ferme, entouré de sentiments, vous écrivez ce que je viens de dire au-dessus, dans sa relation avec le Seigneur, dans sa foi en Christ, puisque vous y êtes maintenant, à celui qui est ferme dans la foi en Christ, il est sûr à 100% d'avoir le secours du Seigneur et il vivra en paix. C'est ce que le Nouveau Testament dit, c'est ce que le verset nous dit. Vous avez vu cette chose-là dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Veillez avec action de grâce. Et là, la paix de Christ qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs. Donc, quand la paix de Christ est dans ton cœur, aucune situation à l'extérieur ne peut l'alarmer. Aucune situation à l'extérieur ne vient l'alarmer. Parce que les situations que personne notre cinq sens sont faites pour challenger notre foi et notre fermeté en Christ. Toute situation que vous entendez, qui ont pour but de vous baisser, vous voyez une soeur, elle sort aujourd'hui par exemple, elle est bombée, elle arrive à la maison. On dit, tu n'entres pas ici aujourd'hui, bam. C'est comme ça, Seigneur, à cause de toi que je souffre comme ça. Tu vois la soeur, ma soeur, ça va, là, elle commence par là, par tube, une longue tube, qui est fonction de la difficulté qu'elle a. Tube, ça ne va pas, frère. On a dit qu'à celui qui se confie au Seigneur, pas au frère. Ayez confiance. Je vous ai raconté mes histoires. Mes histoires, je souffrais depuis l'école secondaire. Mais beaucoup de personnes qui étaient à côté de moi, personne n'avait jamais su. Mais bien plus au contraire, quand il y avait 25, j'avais du mal à voir quelqu'un souffrir à côté de moi. Au point où je pouvais sortir mes 25. Vous savez, en Consamba, on avait un style de personnes. Ils marchent avec un truc. Là, ils ont mis le maïs qu'on a fait. Ça a fait papa, papa. Vous appelez comment? Le popcorn. Et il y a le maïs, les arachides ici. On aimait lui donner l'argent parce qu'il faisait le manigance, tchap, tchap, tchap, tchap, tchap, pour chasser le maïs, là, tchap, tchap, tchap, il fait tchap, tchap, tchap, tchap, il dit tchap, on dit ouais, on prend le maïs. C'est ça, j'ai là qu'on paye, c'est pas le maïs. Donc vous voyez, mes 25 suffisaient pour faire cela. Quand il donne ça, quelqu'un mange, je suis tranquille. Mais personne parmi eux n'a jamais su comment je souffrais. Or, ça, je ne lisais pas la Bible, frère. Ça, je ne lisais, c'est pas parce que je lisais la Bible, c'est parce que j'étais un païen du chair et os. Je ne lisais pas la Bible. Mais j'avais du mal à voir quelqu'un souffrir sans lui venir en aide, au point où je pouvais aller prendre quelque chose sur quelqu'un pour donner à une autre personne, quitte à avoir des problèmes ici. Et j'en ai eu des problèmes comme ça. Des gens qui ont eu des problèmes de pension, même ma propre pension, j'ai dû donner à quelqu'un pour qu'il fréquente, je suis resté à la maison. Il y a même ma propre pension. Parce que j'ai du mal à voir quelqu'un souffrir. Mais quand vous tournez, vous entrez dans la réalité, vous comprenez que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Parce que Jésus lui-même est venu ici. On a voulu donner ça au pauvre, il a dit, mon ami, pour l'instant, donne-moi. Ils seront toujours. Tu les donnes, ils ne vont pas finir, pas vrai? Ok. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. À celui qui est ferme dans sa relation avec le Seigneur, dans sa relation avec le Seigneur, qui est ferme. Quoique ici, nous avons vu ici comment tenir ferme. Ça, c'est déjà acquis, n'est-ce pas? À celui qui est ferme dans sa relation, dans son rapport avec le Seigneur, c'est vraiment dit, vous lisez la parole. Vous croyez la parole telle que cela. Vous faites confiance au Seigneur. Personne ne peut vous battre, même en sorcellerie. Personne. Ils vont vous chercher. Ils vont venir par un chemin. Faire des choses ne pourront rentrer par ce chemin. Sa promesse tient pour quiconque trouve refuge dans sa parole. Quand vous prenez la Bible, vous dites, écoutez bien, après avoir mesuré ce qui est dans votre cœur comme croyance, c'est-à-dire faites une rétrospection en vous-même. Vous dites, dans ce cœur-ci, est-ce que vrai, le Seigneur Jésus que j'entends dire là, je crois vraiment à lui? Si c'est oui, avancez sur un autre terrain. L'autre terrain maintenant, c'est que désormais, aucun homme ne doit me détourner. C'est la Bible ou non? Si quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas dans cette Bible-ci, je ne crois pas. Frère, vous êtes dans un territoire de protection de Dieu. Amen. Si vous ne faites pas ça, et vous allez dans quelque part, vous allez dire que donne la bouteille d'eau ce que tu vois. On a mis l'onction, on a chargé ça. Vrai, il charge. Avec l'onction des sirènes. Il charge. Donc, payez. Ne faites pas ça, frère. Ne faites pas ça. L'ange de l'Éternel qui compose tous ceux qui le craignent, l'ange ne prend pas l'argent. Il ne vient pas pour faire un service qu'on va le payer. La protection du Seigneur est donc gratuite. Comme tout ce qu'on obtient du Seigneur, c'est gratuit. Le Seigneur nous a protégés jusqu'à maintenant, nous avons grandi. Qu'est-ce que nous lui avons donné? C'est aujourd'hui que pour qu'il te fasse le miracle, tu dois payer, frère. Pointe quelqu'un. Pointe le doigt dans les yeux de quelqu'un. Pointe quelqu'un comme ça. Pointe quelqu'un. Dis, il faut cesser la sorcellerie. Voilà. La protection de Dieu, comme toute autre chose, est gratuite. C'est parce qu'en réalité, regardez bien ce verset 5 du chapitre 26 des Odes, enfin des Aïe qu'on a en train de lire. Il dit à celui qui est ferme dans ses voies, tu assures la paix. Je vous pose la question, David, sur quoi basait-il sa confiance? Sur quoi David, le prophète là, basait-il sa confiance au point de dire qu'il n'avait qu'un camp contre lui? Vous pensez que quand il était à la maison, dans sa chambre là-bas, il avait mis l'huile de lui partout là pour protéger contre l'armée? C'est pour ça que vous allez voir les militaires en partant aujourd'hui, ils partent faire ce qu'on appelle Chamno, Gun Protection. Ils peuvent faire des scarifications pour qu'on tire sur un entrepôt. Quand on tire comme ça, pam, ça n'entre pas. Il dit waouh, ça marche. Ça doit marcher parce qu'au devant de lui se trouve un démon qui fait chaque fois. Un de ces jours, on va faire enfreindre à la règle pour qu'il aille à la source. Et même si ça réussit comme ça, leur âme est attachée chez le diable. Vous voyez? Donc ils ont peur de mourir. Or, la Bible dit qu'on ne cherche pas cela, que n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer ce corps-ci sans tuer là. Donc il peut arriver qu'on aille jusqu'à mourir. Dans Luc chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, le Seigneur dit qu'il ne se perdra point un seul cheveu de votre tête. Puis il dit, ils vous trimbaleront devant le tribunal pour que vous serviez de témoignage. Ils mettront certains d'entre vous en prison et d'autres même mourront. Donc il y a d'autres catégories qui doivent seulement mourir. Tu es dans ces catégories là-bas, le jour où on t'attrape, c'est pour la mort. Tu dis que l'âme de retenir camp autour du monde, l'âme dit que non, c'est pas, pour toi, c'est pas dans. Tu vas partir là-bas. Parce qu'il faut que quelqu'un quitte le monde d'une certaine façon. Oh, cette mort-là, c'est pour glorifier le Seigneur. Et ceux qui ne meurent pas, c'est pour continuer à glorifier le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment dit que pour que tu aies confiance au Seigneur dans ce côté-ci, il faut que tu te remets entre la parole, tout simplement. Jérémie dit qu'il ne tremble qu'à la parole, au commandement. Il ne tremble qu'au commandement. Cette fois le jour, je te célèbre, je dévance l'aurore pour méditer ces statuts. Il me rend plus sage que tous les rois. Les statuts du Seigneur. Ta loi est parfaite. Il éclaire les humbles. N'est-ce pas ça, frère? Alors, la parole, comme vous tenez devant, la façon dont vous la prenez, vous prend ainsi. Dans ce psaume, chapitre 25, versets 11 et 12, il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Voici la voie, entre par là. Les gens donc, comme on aime la sensation, et que chez le marabout, on aime quand on passe chez le marabout, on dit que prends ceci, passe sur ton oreiller. Fais ça devant la porte. Tu vas voir si un ennemi vient, il va caler devant. Quand il va caler devant, une fois, si ça se passe même, on cale devant. Maintenant, est-ce que vous savez que les toilettes chez vous sont les portes d'entrée, le grand boulevard par rapport aux esprits impurs? Les toilettes. Quand tu vas manger le ndolé, qu'est-ce qui va te réclamer, frère? Les toilettes. Vous voyez que vous allez prier pour le lit, prier pour les portes d'entrée. Dis, Seigneur, je prie, je mets cette maison. Le démon passe par ici, frère. Il passe par ici. Supposons que la personne qui avait habité ici premièrement avait fait un hôtel satanique ici. Et que cet hôtel a été pris et parti sans que cet hôtel ne soit pas sanctifié. Ça veut dire que c'est une porte d'entrée pour les démons. Si tu n'as pas la révélation, comment tu vas savoir que c'est une porte d'entrée? Et tu vois, quand tu vas maintenant aux toilettes, tu t'assois, tu dis, ah, Tu finis le ministère toilettique. Quand tu finis le ministère toilettique, tu ne sais pas que tu as donné des renseignements sur ta vie et sur tout ce que tu as fait là-bas. C'est le lieu où on ne prie pas. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? Ça veut dire que si tu continues à prier de lieu en lieu, tu auras des problèmes. Il faut que ton corps soit un tabernacle de prière. Le tabernacle des prières. D'où la nécessité d'entraîner le cœur en priant par l'esprit. Vous comprenez que ce n'est pas le lieu où vous êtes qui est le problème. C'est vous qui êtes le problème. Parce que quel qu'en soit le cas, vous ne pouvez pas connaître. Vous marchez en route là, vous ne savez pas qui est qui. Vous allez acheter la tomate. Vous aurez besoin de la tomate. Vous aurez besoin d'un tassement, pas un tassement chrétien. Je vous prends un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu à la maison vers moi. Il vient à la maison, il part. Après, il va faire quelque chose. Il avait pris une moto. Regardez la grâce de Dieu. Il est venu à la maison, se mettre à genoux pour qu'on prie du Seigneur. Il veut venir remercier le Seigneur. Il a pris une moto loin. Vous connaissez l'axe lourd. L'axe lourd, imaginez avec quelle grande vitesse le moto roule. Oh frère, Dieu fait des choses. Je parle de la protection, la main puissante de Dieu. Il vient, il prend cette moto, la moto le laisse là-bas. Après, il a dit, tu vas encore m'accompagner? Il a dit oui. Mais cette même moto devait le servir partout. Il dit, ok, on monte de l'autre côté là-bas. Trouve-nous là-bas. Je ne monte pas. Trouve-nous là-bas. Il marche à pied. Le garçon vient avec la moto par derrière. Il arrive à côté de lui, il tombe l'épilepsie. Vroom, la moto comme ça. Vroom. Je pose la question, s'il était monté et qu'ils sont sur la route avant de rouler, et cette épilepsie le prend, où seront-ils? Où seront-ils, frère? Imaginez que vous êtes entré, quelqu'un tombe l'épilepsie, qui casse la tête, il comprend, parce que toi qui es vivant, qui vois le choc qui arrive, tu dis, waouh, Dieu de gloire, Abraham, comme s'il ne vient pas, tu dis, Marie qui dit, pour qu'il sorte de cette situation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait pour qu'il voie la chose, pour que ça se passe même avant qu'il soit sur le goudron. La protection de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire quand j'étais au Nigeria, un de ces jours, j'avais pris les boulevards là-bas, on n'a pas de route ici, les grands boulevards pour ceux qui connaissent la ville d'Abuja. Je suis sorti un matin, j'ai pris ma Bible, je partais à Nyanya, j'ai quitté Djabi pour aller à Nyanya. Nyanya, c'est un quartier, la périphérie qui sépare l'état de Nassarwa, touche à la limite. Je prends ma Bible, je mets ici. Subitement, un cantique est venu. Subitement, un cantique est venu. Je ne sais pas d'où ce cantique sortait. Quand Dieu approuve votre voix, il va vous protéger. Amen. Il va veiller sur vous. Amen. Il dit, j'ai mis ma Bible ici, je suis monté derrière cette moto. Le garçon filait au point où les larmes lui qui louaient les yeux comme ça pour me toucher. J'ai commencé à chanter ce cantique sur la moto. J'étais là confiant. Je ne savais pas, frère. Je savais que j'ai pris la moto, mais je ne savais pas où j'étais. Mais la moto filait à tombeau ouvert. Frère, subitement, la roue de la moto a explosé. Pour la voiture, ça peut exploser. Vous êtes dans la voiture, ça fait tourner. Frère, j'étais seul sur la moto. Quand ça a fait, pam, j'ai seulement entendu pam. Tous ceux qui étaient aux alentours se sont levés, ils ont vu la scène. Ils ont vécu la scène en direct. Ce n'est pas dans la nuit, c'est en plein journée. Pam! Et les voitures roulent là-bas, ça veut dire que si tu tombes, personne n'a le temps de freiner. On passera sur toi pour partir. Et même si tu tombes sur le goudron, c'est déjà dans lui, là, même s'il n'y a personne, c'est que le goudron va te réclamer ton cerveau. Tu vas voir, ton Dieu va sortir là-bas, tu vas voir partout là. Alors, j'étais là. Quand ça a fait pam! Il dit bien, quand ça a fait pam! J'ai senti la moto. Vous savez, quand on arrête quelque chose, vous savez que quelqu'un a arrêté la chose. J'ai senti une main arrêter la partie de fer qui est derrière ma. La moto a fait sur place. Il dit, une moto qui est peut-être à 100 km/h, ça a fait sur place. À quelques mètres, ça s'est arrêté. Normalement, avec cette vitesse, quand la moto fait pan, la roue pèse, c'est la débandade totale. Ça a fait Les gens sont revenus. Quand ils ont vu ce qu'il y a. Mais moi, j'ai senti la main derrière. Quelqu'un a arrêté, une main a arrêté la moto derrière. Ça a fait la moto a fait sur place. Ça a freiné. Comme ça. Ça n'a allé ni à gauche ni à droite. Comme ça. J'étais calme derrière la moto comme ça là. Moi, je n'ai réalisé pas ce qui est arrivé. Et puis quand je suis sorti, je me suis descendu de la moto, me tenu à côté. J'ai entendu les gars qui disaient, brother, you should thank God. You don't know what happened to you now. You should thank God. Ils ont commencé à prophétiser. You should thank God. Vous savez, quand ils finissent, on s'appelle dans le cœur. Jesus, don't fall for that. Marche, il continue. Mais je savais ce qui était arrivé sur la moto. Pourquoi la route de la moto se passe à cet instant-là? Donc vous voyez effectivement qu'on a besoin de voir un grand homme qui est venu en blanc pour faire cela. Je sais que quelque chose s'est passé. C'est sa protection. Amen. Une des fois, je suis sorti ici à minuit. Enfin, on est sorti ici de l'assemblée. Quand j'avais l'autre Mercedes au Bordeaux, je partais toujours à l'axe lourd là-bas. Toujours sur l'axe lourd. Bouh, bouh, à Niala là-bas. Vous connaissez Pariso. On monte comme ça. Il y a une voiture qui est garée à droite qui est en train de décharger en pleine nuit. J'ai fait le jeu de phare pour ceux qui connaissent le véhicule. J'ai fait le jeu de phare parce que je sais qu'il y a une route qui sort du quartier là. J'ai fait le jeu de phare, je suis à 120 km/h parce que c'est une route qui est grande. Et c'est la nuit, c'est ouvert. 120 km/h avec la Mercedes. Bouh, j'étais calme là-bas. J'avais une main sur la porte, je suis déroulé comme ça. Il y a des choses qui vous arrivent qui sont inexplicables. Parce que quand vous voyez un danger, la première réaction c'est fuir. Ou bien tourner avec la voiture. Pas comme papa sur la main, il a rentré avec le véhicule, ça rentre. Il dit que Agojam. Ça a connu comme il dit Adonjam. C'est l'ami de papa. Vous savez, oui, c'est ton ami. Vous voyez, C'est son patron. Quand on nomme les gens qu'il ne faut pas à la place qu'il faut, faut pas. On dit que les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévue par la réglementation. La réglementation veut qu'on lui donne la voiture, le véhicule de service. Il entre dans le véhicule maintenant. Il croit que quand il voit les gens entrer dans le véhicule, il croit que la voiture part. Il a démarré. Il voit l'obstacle, mais la voiture n'a pas lancé l'esclave. Il se tourne et dit que je vais cogner. La voiture ne fait que partir. Quand ça fait boum, il dit j'ai cogné. C'est ce que ça veut dire, non? Que Agodjam. Il fait comme ça, il attrape le volant pour que la voiture. Et il dit Agodjam. Quand ça fait boum, il dit Adonjam. Oui. Alors, je t'en ai le conduit. Quand ces choses-là arrivent, vous paniquez. Mais c'est juste, c'est tout, c'est après quand les événements se passent. Quand je dis ces choses, frère, quand vous sortez, vous ne savez pas qui est votre conducteur. Quand vous avez votre propre véhicule, vous ne savez pas ce qui peut arriver. On peut retirer le frein de votre véhicule spirituellement. On peut faire n'importe quoi. Vous faire frapper l'aveuglement en quelques secondes et puis vous allez en quelque part. Quand vous prenez le volant, n'ayez pas confiance en vous-même. Demandez au Seigneur de conduire. Amen. Demandez-lui de conduire. Il y a quelqu'un qui sera dans le présent avec vous. Il le fait et il le fera. Parce que vous ne savez pas qui nous guette, quelle est la faute que tu as faite ou n'importe quoi. Vous comprenez cela? Alors, ce qui s'est passé, c'est. J'ai fait le jeu de frappe, quand pam. Cette voiture-là est là, mais je sais, vous savez, je connais la route, il y a une rue qui sort du quartier. J'ai fait le jeu de frappe pour que si quelqu'un voit, il voit le phare au sol. J'ai fait le jeu de frappe une fois, deux fois, personne ne réagit. Fred, dès qu'il traverse ce camion, il y a un marabout garçon qui sort derrière la moto, il ne sait pas d'où il sortait le quartier. Il sort, quand les gens font sur la moto, il était assez loin derrière. Il faisait un latin. Il vient au milieu de la rue comme ça, en faisant latin. Et c'est là où on voit effectivement la main puissante de Dieu, parce que ce problème était spirituel. Parce que lui, il ne savait pas que j'étais là. En fait, quand j'ai freiné, il a pissé dans sa culotte. Parce qu'il n'était pas au courant que la voiture venait. Il sortait de la voiture, il faisait comme ça. Frère, j'ai freiné la voiture une fois. J'étais à 120 km/h. L'espace qui nous séparait, c'est moins de 10 mètres. J'ai freiné. Si j'allais à gauche, il y a la chose qui sépare les deux groupes. J'ai frappé sur le truc là, c'est moi qui devais avoir le problème. Je ne pouvais pas aller à droite parce que le camion était garé. Je ne pouvais pas aller tout droit parce que je devais passer sur lui. C'était la seule option. J'ai freiné comme il pouvait freiner. J'ai freiné une fois. La deuxième fois, la voiture a fait crrr, tout le carrefour s'est levé. Crrr, moi-même, je savais que malgré le frein, je vais monter sur lui. Frère, la voiture est venue s'arrêter nez à nez avec lui. C'est là où il s'est réveillé pour il s'est rendu compte qu'il était au milieu de la route. Vous voyez les gens qu'on vend partout. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a enlevé son âme. Il l'a vendu dans sa famille. On l'envoie en route pour que quelqu'un l'achève. Pour qu'ils font d'une pierre plusieurs coups. Ils te mettent dans des problèmes. Il choisit cette âme-là. Peut-être qu'il peut frapper, vous frappez, vous mourrez. Ça fait d'une pierre plusieurs coups. Vous voyez cela? Donc là, quand ça fait crrr, quand les gens crient, c'est là, j'ai vu sa réaction sur la moto. Il a fait ça. Il a pissé directement sur lui. Je suis resté calme comme ça. Voilà. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passait. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je n'ai jamais vu ce garçon. Je suis resté comme ça. Comme le frère avait là, je suis comme ça. Là. Quand la voiture s'est freinée, il est regardé comme ça. Oh. J'ai tourné la voiture comme ça. Oh. Je suis parti. Les gens, ils entendent seulement parler. Ils disent que tu es vendu, malchanceux, pas. On disait comme ça à ceux-là que celui-là, il est vendu. Et tout le monde, je suis parti. C'est quand je suis parti que je me suis rendu compte que ce n'est pas normal ce qui vient de se passer. La protection de Dieu. Il y en a plein comme ça. La protection du Seigneur. Il dit la protection. Il y en a plein. Je ne peux pas vous raconter ce qui se passe à la maison, ce qui se passe journellement. Des attaques, il y en a. Mais vous aussi, vous en avez des expériences. Mais vous n'avez pas besoin de voir les anges. Je ne vais pas entrer dans ces autres domaines-là. La Bible déclare que les anges sont à notre service. On n'a pas dit au service des pasteurs. On a dit que ce sont des esprits envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On n'a pas dit qu'on envoie l'ange au pasteur. Je veux que vous compreniez que ce soit clair. Que les anges sont assignés à votre service, vous aussi. Les anges sont assignés à votre service. Il y a des anges qui sont là pour vous expliquer les écritures quand vous lisez. Vous savez ça, frère? Vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Les anges vous expliquent. Après, vous venez de dire, frère, j'étais dans le vide à les anges. Tu es venu, tu m'as dit que cette verset avait dit comme ça. C'est là où j'ai compris. Je suis chez moi, je voyage, mon frère. Bonne soirée. Si on continue à parler, là, on n'a pas fini. Donc, la prochaine fois, on va continuer dans la suite. Et souvenez-vous, il y a le psaume 31 qu'on a ouvert, n'est-ce pas? Non. Salut, une fois tout le monde, comment ça va? Salut tout.